Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 24. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je vous invite également à télécharger le PDF hebdomadaire qui reprend les articles parus sur le site de Démocratie Participative et à le partager avec vos connaissances, que ce soit par email ou autrement. N'hésitez pas à faire connaître les articles et aussi à nous soutenir financièrement, dont en crypto-monnaie. N'hésitez pas. Pour que ce qu'on fait continue. Je vais procéder maintenant aux présentations de nos participants de cette semaine. Je vais commencer avec Pierrot, qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut à tout le monde. MacDav est aussi présent, salut MacDav. Salut les amis. Fulbert est avec nous cette semaine, salut Fulbert. Bonsoir Gandalf, bonsoir à tous. Et enfin, Derek est présent aussi, comme chaque semaine. Ouais, salut Gandalf, salut tout le monde. Alors, mes amis, je vous propose de commencer immédiatement par notre première rubrique, courrier des lecteurs. Alors, bonjour l'équipe, merci pour votre travail, encore une fois. Je voulais réagir à vos deux premiers courriers des lecteurs de la saison 4, épisode 23, donc la semaine dernière, quoi. L'an dernier, j'ai été recruté dans une start-up allemande, dont je tairai le secteur d'activité. J'ai moi aussi été licencié à cause de ces chères chances pour l'Europe. Je vous dresse rapidement le tableau. Il y avait deux patrons, un CEO, donc S-C-E-O, et un CFO, l'un allemand qui se tapait la secrétaire Rukin Babacool. J'ai fait des voyages en Indonésie et je fais du yoga. Et le CFO français, semi-PD, totalement débile. L'équipe que je rejoins se compose d'un allemand dans la quarantaine, plutôt sympa, qui cherche désespérément un autre job, deux belles ariennes, ainsi qu'une semi-naine débile à souhait, ne jurant que par le tuning, et son boyfriend aux origines ritalo-rhombizarroïdes. Les supérieurs hiérarchiques, plus communément appelés tier 2, se composent d'un allemand maigrichon totalement accro au cannabis et d'un bougnoul tunisien, tout droit sorti de son bled, parlant à peine français, mais gérant les plus gros portefeuilles de clients personnellement. Venons-en donc à ma fin de contrat sauce couscous. Un jour, un des responsables des ventes me contacte et me demande de corriger l'intégralité du site, car écrit par notre crouille tier 2, est donc proche de l'onomatopée et loin de la langue de Molière. Je passe donc plusieurs heures à corriger cette horreur. Je soumets ma correction à mes supérieurs, et là le crouille l'intercepte et me corrige. Car fier comme il est le bougnoul, il se doit d'être celui qui soumet le texte, et sans modification préalable, la version du texte apparaît à mon nom sur le logiciel. Autant vous dire que la version du crouille n'était pas lisible. J'ai tenté de reprendre le texte pour le corriger à nouveau, refus du crouille, il le transmet au patron. Quelques heures plus tard, il est convoqué par le patron par rapport à ce texte, le patron est furax, sa défense. Ah bah non, moi j'ai corrigé que le titre, le reste du texte, c'est pas moi. Sautant sur l'occasion pour mettre un blanc dans la merde juste à cause de son QI négatif. Bref, je m'en défends, je montre les preuves, rien n'y fait, c'est ma faute selon le patron. Deux semaines plus tard, on reçoit une demande importante, un gros client relatif à certaines lois sur les taxes dans le pays du client. Étant premier point de contact, je ne peux le traiter, je l'envoie donc au supérieur allemand, celui accro au cannabis. Il me le renvoie en m'expliquant que les pays latins sont gérés par les francophones. J'envoie donc le document urgent au crouille, qui n'accuse pas réception du document, ne répond pas au client et met le dossier en attente à peu près 4 semaines. Le client revient vers nous et nous informe que, en l'absence du papier signé, il se doit de mettre fin au contrat. À ce moment, le bougnoul se rendant compte de sa connerie, le bougnoul déplace le dossier dans mon répertoire et s'empresse d'alerter le patron. Résultat, convocation, j'apporte les preuves comme quoi le dossier a été transféré par le bougnoul. Rien n'y fait, je mens, sûrement par racisme. Tout comme les fois où je me suis plaint des largesses que ce sale crouille prenait au niveau des horaires. Ligne FR fermée de 12 à 14 heures pour sa pause déjeuner. Le crouille prenait sa pause déjà à 13h59 pour éviter de répondre au tel. Je suis donc lourdé comme une mère. 3 jours plus tard, je reçois la paperasse de fin de contrat stipulant comme raison démission, alors que je n'ai jamais démissionné. Bref, les start-up et la diversité musulmerde sont à éviter à tout prix. Bien à vous, Jacrouille la fripouille. Alors, je dois dire que j'ai un peu mal pour le gars parce que, bon, de toute façon, c'est une entreprise de merde, parce que pour traiter son personnel comme ça, bon, voilà. Et c'est à mon avis une entreprise qui va pas non plus durer toujours, à mon sens. Hein. Bon. Qui veut un petit peu réagir à notre courrier de notre auditeur? Ça ressemble énormément à ce qu'on a eu la semaine dernière, bon, sauf que là, c'est niveau un petit peu au-dessus. Hein. Enfin, c'était. On a eu les nanas, c'est vrai, les féministes lors de l'entretien d'embauche et le type qui se fait virer aussi dans le resto. Mais ouais, je comprends pas en fait le concept de virer des mecs qui bossent bien pour laisser un crouille qui gruge partout, qui fait n'importe quoi, qui fait le bougnoul. Je sais pas, c'est vraiment au niveau de la hiérarchie. Est-ce que ces gens ils sont payés au nombre de textes qu'ils font au clavier, au nombre de caractères. Comment ces gens sont rémunérés, quoi. C'est vraiment étrange. Hein. Qui d'autre là-dessus, Magda ou Pierrot ou... Je ne comprends pas même ce concept juste d'embaucher des Arabes, quoi. C'est-à-dire que. Mais déjà, c'est étrange. Quand t'es employeur, t'as envie d'avoir confiance en tes employés, donc avoir confiance envers un arabe, je trouve ça curieux comme concept. Mais de toute façon, quiconque a déjà travaillé avec des bougnoules, c'était mon cas, sait à quel point c'est absolument insupportable. En termes de confiance, ils sont clairement pas à la hauteur. Ils sont toujours en fait dans la roublardise, tu vois. Tu dois repasser après parce que t'es sûr de rien. Et moi j'ai remarqué en fait c'est un dénominateur commun, ils ont tous quand même leur faiblesse et leur qualité quand même, mais ils ont toujours quand même un dénominateur commun, c'est quelque part ils vont quand même essayer de te convertir de façon gentille, etc. Ils vont toujours essayer de te dire oui mais tu sais l'islam ils peuvent pas s'en empêcher. C'est universel, ça c'est universel, c'est partout pareil, les musulmans veulent convertir tout le monde. Ah oui, c'est vraiment chez eux, c'est compulsif. Quoi. Avec des arguments qui sont. Ah oui. Tu peux avoir plusieurs femmes, c'est souvent ça, quoi. Voilà. Oui, non. C'est peut-être le seul argument qui tient la roue, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais avec leurs gros sabots, ils essaient de convaincre avec des trucs. En général, ils arrivent avec leur croyance, c'est du désert, quoi, en mode miracle du Coran, c'est sous prendre un genre une carotte, qui a une forme bizarre ou enfin tout est sujet si tu veux au miracle du regarde cette vidéo du lion qui dit Allah, tu vois, les animaux tu vois aiment l'islam. Il y en a plein sur YouTube de trucs le chat qui fait la prière les supporter durant le mois du Ramadan là, alors ça par contre ça doit être dur. C'est les mecs qui sont toujours en train de se plaindre, j'ai faim, j'ai soif, c'est dur, etc. Puis après ils font des on est dans la pudeur, tu vois, dans la retenue, faut pas se plaindre parce que tu vois sinon Dieu il montre que tu dois faire un effort et puis avec le sourire, mais on est tout le temps en train de les entendre se plaindre et tout. Enfin, moi je sais pas travailler avec eux. Oui, alors le Ramadan n'est pas un jeu, on l'a dit souvent, mais il faut répéter ça. C'est des repas décalés. Ouais, et pas des petits repas, des espèces de trucs absolument. des orgies, quoi. Hein, des orgies de bouffe. Hein. Surtout c'est la goinfrerie différée. C'est ça. Alors c'est très important hein, de jeûner pendant, tu sais, quand il y a du soleil, tu sais, ça change une vie spirituelle quand même. Hein, de pas baffrer pendant qu'il fait jour, tu sais, c'est vachement. Tu sens l'élévation. Oh putain. Vas-y, Magda. Ouais, la seule fois de ma vie professionnelle où je me suis fait reprendre pour une faute d'orthographe, mais dire j'en fais très peu, hein. C'était par un bougnoule. La seule fois de ma vie, c'était un putain de bougnoule. Et bon, il se trouve qu'effectivement, c'était également un supérieur hiérarchique. Et ah. Je te garantis que il fallait pas, il avait rien à me reprocher. Lui, par contre, en faisait à foison. Et je suis relativement coulant là-dessus. Je ne suis pas assez grammar nazi. Mais lui me l'a vraiment reproché. Hein. Il a été me voir. Tiens, tu peux ouvrir ce mail là et il me l'a montré en gros. Une faute d'accord et il m'a bien fait sentir. Or que lui en fait quasiment dans tous les mails. Donc ça m'étonne pas. Je veux dire, de manière les bougnoules, effectivement, ils sont très très vicieux. Faire vraiment gaffe. Faut pas les croire quoi. Faut absolument pas croire un bougnoule. Est-ce que les bougnoules poignarderaient les gens dans le dos? Ouais. Non, mais le concept de la vérité chez les bougnoules, c'est totalement autre chose que le concept de la vérité chez les blancs. Ah, c'est comme les juifs, en fait. Ils ont un concept, en fait, qui est le même, sauf que les juifs peuvent, en fait, plus le développer rhétoriquement, mais sinon, le concept fondamental de la vérité chez les sémites, c'est simple, c'est si ça me bénéficie à un instant T, c'est la vérité. Voilà. Oui, c'est ça, puis ils sont... C'est le téléphone ah, oui. arabe avec eux. C'est-à-dire que si vous partez du principe que vous n'avez pas à faire de la politique et de la politique aérie dans votre boîte parce que ça nuit à la productivité, à l'efficacité, déjà, vous raisonnez comme un Européen. Parce que pour eux, les bougnoules, il faut faire de la politique partout, quoi. Donc ça parle, ça bavasse, ça boit le thé, et blablabla, et... Non, c'est des gonzesses, en fait. Les sémites sont des gonzesses, pour moi. En tout cas, empathie pour notre auditeur qui a dû subir cette proximité. Peut-être en même temps aussi un mal pour un bien. Il s'est émancipé comme ça. Il a plus eu à subir cette promiscuité. Et peut-être qu'il a retrouvé un emploi dans une boîte qui le traite comme il le mérite. C'est-à-dire bien. J'espère vraiment pour lui. Hein. Après, faut être très clair, dans ce genre de boîte, à CV égal, comme on dit, le dernier qui sera pris, c'est le blanc. On va pas se mentir. Ah oui, bien sûr. Une fois, j'ai eu à travailler, pire qu'un arabe, j'ai eu, ça c'est le combo, une arabe. Je sais pas si vous avez déjà eu ce cas-là. Une arabe qui était chef dans la boîte où je bossais. Et là, je peux vous dire que t'avais le combo de l'arabe de base. Et en plus, vu que c'était une nana, donc elle se sentait plus pissée alors qu'elle n'était pas à un niveau super élevé dans la hiérarchie, mais elle faisait son rôle de petit chef. Avec aussi le combo dans la pause déjeuner. Tu sais, les gens, ils parlent un peu de tout et de rien. Et en France, t'as pas de délit de blasphème, tu vois. T'es censé pouvoir critiquer toutes les religions, par exemple. Oui. Et donc, t'avais un type qui s'était amusé à critiquer un peu l'islam, le prophète, etc. Et là, je me souviens, j'ai encore l'image dans la tête de cet arabe qui était parti, mais complètement folle. Non, mais tu critiques pas le prophète et tout ça. Ah, en fait, génial. Une liberté, mais à sens unique, quoi. Hein. Ah, ça, ils deviennent fous là-dessus. Ah ouais, ils peuvent pas. Une barrière mentale qu'ils arrivent pas à franchir. Ah ouais, c'est génial, ça, c'est génial. Ils partent en plus. Ah ouais, c'est comme l'arnaque, là. Ils disent. Tu sais, sur les réseaux sociaux, ils aiment bien dire ouais, ils pensent que le porc c'est de la kryptonite, etc. Mais putain, c'est totalement de la kryptonite. Un musulman, tu le fais toucher du porc et tout, il est paralysé. C'est impressionnant à voir. Hein. Ouais, je me rappelle, j'ai eu une expérience comme ça. Le musulman en question croyait avoir mangé du porc par inadvertance. Il a mangé ce qu'il y avait dans son assiette, et ensuite, en fait, il s'était pas posé la question ce que c'était, quoi, puis ensuite, il a découvert que c'était plus ou moins du porc. Le mec, il était affligé, complètement affligé, et il se lamentait en se disant « j'espère que je vais pas aller en enfer » et tout. C'était vraiment... Ah ouais, non, mais c'est marrant. Et alors, surtout tous les... Vous savez, là, les islamistes 2.0 en mode frère musulman, etc. Là, vous savez, là, les mecs, ils jouent les malins et tout machin. Non, mais je vous assure que le porc, ça les terrorise. Ils sont terrorisés par le contact du porc. Vraiment. Ouais, moi, je pensais qu'en fait, on avait affaire à des beurettes émancipées, toutes bac plus 5, des Sophia Aram, quoi. Hein, tu vois, en mode, je me fais des sandwichs à la rillette, je suis libéré, mais non. Non, moi, Sophia Aram, elle mange pas de porc, cette traînée. C'est sûr que non. Hein. Non. Par contre, je pense qu'elle doit avoir un goût développé pour la saucisse. C'est pas incompatible. Hein. Enfin bon. Alors, deuxième courrier, les amis. Bonjour, chers démocrates. Après avoir eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous il y a quelques mois, j'ai été un peu moins connecté et actif depuis pour des raisons de santé. Mais j'ai continué à vous écouter régulièrement et je dois dire qu'avec ma famille et mes amis proches, vos émissions et la bonne humeur qui s'en dégage malgré les sujets difficiles qu'elles abordent font partie des choses qui m'ont permis de garder le moral. Un grand merci pour ça. Je me permets de vous écrire pour vous raconter ce qui m'est arrivé ce week-end. Pour ma première virée sur les routes de France, post-convalescence, j'étais invité dans un département de l'Est pour assister à un mariage. Je vous rassure tout de suite sur le fond, la mariée, cousine de ma femme, une grande blonde avec un faux air de Jenna Rollins, jeune, épousait un homme, un blanc, et leur couple aurait pu servir de modèle pour les affiches du NSDAP. En bref, ça partait plutôt bien. Nous arrivons à la mairie du Patelin en début d'après-midi, donc le samedi, quoi. Il fait plutôt beau, plus d'une centaine d'invités sont là, 100% de blancs et beaucoup d'enfants. La cérémonie civile se passe bien. L'élu en charge du mariage met les formes, parle bien, sort un peu du modèle standard pour ajouter de l'émotion. Très bien. Nous sortons de la mairie et j'ai ma première surprise de la journée. Pas d'église. Je pense ces gens catholiques, mais j'ai un moment de doute alors que nous prenons la route vers le lieu de la fête. Peut-être sont-ils en fait protestants, c'est aussi mon cas. Et la cérémonie religieuse aura peut-être lieu en plein air, comme ce fut le cas pour mon propre mariage, auquel ces gens étaient d'ailleurs invités. Nous arrivons enfin là où vont se tenir les festivités, une salle joliment décorée ouverte sur une grande terrasse, où doit avoir lieu le vin d'honneur, et à quelques pas de là, sur l'herbe, un espace où des chaises ont été installées pour recréer les bancs d'une église. J'aurais dû être rassuré, mais en fait, c'est là que le cauchemar commence. J'apprends en surprenant une discussion entre le témoin du marié et un invité qu'il n'y aura pas de prêtre ou de pasteur, mais des officiants laïcs. Je m'apprête donc à assister encore une fois à une cérémonie laïque, le truc bobo à la mode. J'ai connu plusieurs fois ces dernières années ces instants d'intense malaise où un crétin sélectionné parmi les potes des mariés ou des parents de l'enfant, quand il s'agit d'un baptême laïque, vient singer les mots et les gestes de la religion chrétienne, un vrai calvaire. Mais samedi, l'horreur a franchi un cap. Il n'y avait pas un, mais deux officiants, un homme et une femme, deux rasta blancs, déguisés en clown, avec un nez rouge, et dont la femme laissait voir ostensiblement ses aisselles non épilées. En guise de cérémonie, un spectacle de cirque, avec cris et danse africaine, le tout avec l'odeur de transpiration des clowns visiblement fâchés avec la douche, qui envahissait l'assistance à chacun de leurs mouvements. Cela a duré une heure, et le public riait, satisfait. Moi, je pensais à Derrick et à son église et j'imaginais probable d'entendre tout ce petit monde reprendre en chœur « L'Éternègre est mon berger ». J'ai tenu le coup et le vin d'honneur m'a permis d'effacer un peu de ma mémoire le bruit et l'odeur que je venais de subir. Mais ce n'était pas fini. Passé la cérémonie des clowns, pendant que nous trinquions ensemble, les nombreux enfants ont commencé à s'amuser. Et le niveau sonore est devenu de plus en plus élevé de leur côté. Voyant ma fille qui a 6 ans se joindre au cri, je m'approche pour lui dire discrètement de ne pas hurler et de s'amuser calmement. Je n'ai pas fini de lui parler que la mère d'un des gamins braillards s'approche et me dit de ne pas limiter ma fille, qu'elle a le droit de s'exprimer en toute liberté. Voyant que je bloque un peu, elle commence à m'expliquer que les enfants doivent faire leurs expériences sans être bridés par des principes éducatifs rigides et qu'elle pratique l'éducation bienveillante. C'est ma fille qui coupe court à la conversation en me disant qu'elle promet de faire moins de bruit, me fait un câlin et retourne jouer. Quant à moi, je tourne les talons et me mets un peu à l'écart pour observer les enfants. Si une chose que des centaines de virées dans les parcs avec ma fille m'a appris, c'est que les gamins métèques, notamment les arabes, sont un enfer dans l'espace public dès leur plus jeune âge, bousculant, hurlant, agissant en toutes circonstances comme les animaux qu'ils sont. Ils ont une chose pour eux, ils craignent l'autorité d'instinct. en particulier quand elle vient du blanc, et savent faire profil bas. A l'inverse, le gamin blanc élevé par des bobos selon cette nouvelle tendance de la bienveillance sans limite, est quant à lui une plaie sociale encore pire, qui regroupe toutes les tares du métèque, l'indifférence, voire le mépris de l'autorité en plus. Pendant quelques minutes, j'ai regardé ce groupe de gamins qui auraient dû me donner de l'espoir, que des blancs, des cheveux blonds, bref, là, rien en nombre, mais je ne voyais que des métèques déguisés, résultat, l'éducation réalisée par des blancs négrifiés et des Algériens mentaux. Pour résumer cette expérience, je pense qu'il faut toujours garder en tête ce qu'explique Arthur Kemp dans ses livres. Tous les blancs ne seront pas sauvés, et certains ne méritent surtout pas d'être sauvés. Malgré notre racisme qui nous porterait à associer le blanc au bien, dans la quasi-totalité des contextes, il est nécessaire de prendre conscience que les blancs négrifiés sont aussi nuisibles, voire plus, que les nègres eux-mêmes et autres chiasses humaines du tiers-monde. J'ai depuis retrouvé mes chères Alpes, fort de cette nouvelle aventure, et j'espère récupérer une forme totale dans peu de temps pour reprendre le combat pour notre cause. Alors, on a de temps en temps comme ça des expériences de mariage, il y a toujours quelque chose, récemment c'était le travelot. Oui, là c'est pas mal aussi. Qui veut prendre la parole sur cette expérience sociale, les gamins négrifiés par des mères laxistes? J'ai pas l'occasion, moi, de trop fréquenter des gamins comme ça, mais... C'est malheureusement de plus en plus répandu, quoi. Alors bon, peut-être pas partout, c'est vrai que... C'est vraiment par poche, par zone, quoi. C'est des coins où... où les tu gamins... pensais fort à la Bretagne, c'est ça? Mais non, je déconne. Non, même pas. Hein. Je pensais plutôt... une région que j'aime bien... sur laquelle j'aime Prolet bien. Prolet? Oui, c'est-à-dire l'espèce de machin. Le sud-ouest. Voilà, le Lot-et-Garonne, tu vois, espèce de truc de blanc totalement destroy, à moitié hippie, non, totalement hippie, qui fume autant de pétards que les Arabes. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'entendent très bien les deux, puisque l'un vend, l'autre achète. Tu as ce truc là, c'est-à-dire des gosses qui crient partout, des parents qui s'en foutent. En 3-4 générations, je pense que tu peux avoir une proto-ethnie qui se développe, quoi. Il va y avoir quelque chose, hein, chez ces gens. Hein. Moi, ce que ça m'inspire, ce témoignage, c'est qu'en très peu de temps, les gens doivent comprendre ça, nos auditeurs doivent comprendre, enfin, doivent le comprendre, je pense que beaucoup le comprennent, mais. De sur la base de leur expérience quotidienne, de ne pas perdre de vue qu'en réalité, une génération peut anéantir, pour ainsi dire, des millénaires de culture et des millénaires de civilisation. Alors si vous pensez qu'on fait référence aux boomers, vous avez raison. Hein. Oui, tout à fait, mais là c'est vraiment très concret, c'est-à-dire que s'il y a un maillon de la chaîne qui pète, c'est ça. La chaîne est pète, c'est tout simple, je veux dire. Mais là, c'est pas la génération des boomers. Hein. Oui, c'est... Ah bah non, mais c'est ce qui est arrivé après, hein. Si tu veux. Hein. C'est ce qui suit. Hein. Ouais. Ouais, non, mais... C'est des enfants de Baba Cool. C'est des... Ça, c'est les petits-enfants des boomers, ça. Ouais, non, mais je pense qu'en fait, tu vois, malgré tout, les boomers, ils ont bénéficié d'une éducation traditionnelle. Ils en ont transmis quand même un petit peu à leurs enfants. Alors que ça, c'est les gamins qui... Mais ils ont beaucoup détruit. Hein. N'importe comment. Et je pense que... moi, je le constate également. Effectivement, t'as des gamins qui sont vraiment en roue libre. Mmh. Et généralement, c'est toujours dans des familles où c'est la nana qui a énormément d'autorité dans le couple... Et qui laisse faire absolument tout ce qu'elle veut, enfin tout ce que les gamins veulent faire, quoi. Elle laisse faire. Et le mec n'a pas son mot à dire. Ça, je l'ai souvent constaté. Alors, c'est peut-être mon point de vue, mais bon, ça reste un constat empirique. Déjà, si le mec il ferme sa gueule devant sa femme, ça craint, quoi. Oui. Ouais, et puis bon, je veux dire, à un moment donné, le but du père, c'est quand même d'apprendre les limites. Bon. Bah, c'est l'autorité, le père c'est l'autorité, la mère c'est au contraire, c'est l'espace de la liberté, tu vois. Et le père c'est l'espace de l'autorité, enfin tu vois, la mère c'est l'horizontalité, c'est un peu la passivité, donc c'est aussi une certaine liberté, tu vois. Et le père c'est la verticalité, c'est la limite, c'est la hiérarchie, c'est aussi la progression. la progression dans l'effort, dans la durée, dans le temps, vous voyez. Il y a des principes qui sont liés au sexe, que je veux dire, c'est pas... Bon, déjà, si les deux sexes remplissent pas leurs fonctions, ça va déconner. Ouais, barré, s'il y a un sexe qui déborde sur les prérogatives de l'autre, ben, je sais pas, ça peut être dans le sens inverse, ça peut être le père... c'est rare en fait, hein, mais le père qui essaye de reléguer la mère à la marge, c'est quand même rarissime. C'est surtout l'inverse, là, c'est le cas. Moi, je l'ai souvent vu aussi, hein, déjà dans les rapports entre les deux, mais si le rapport entre les deux sexes est déséquilibré au départ dans un couple, hein, fatalement, quand le gosse arrive, le rapport de force, entre guillemets, a tendance à s'aggraver encore plus. Ouais. Donc. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si tu veux, la remarque de McDav, mais cette manière là, de laisser les gosses faire tout et n'importe quoi sous prétexte que les gosses ont en nous, ils vont nous apprendre à nous en gros ce qu'il faut faire. Bon, mais ça c'est mes 68, c'est clair, ça vient de là. Hein, on aboutit au truc. C'était la théorie, c'était marginalisé. Ça l'a été de moins en moins au fil du temps, là ça devient la norme, et là notre auditeur il se fait, on le regarde de travers, c'est, attends, tu empêches ton gosse de jouer avec son caca, il fait sa propre expérience, Derek. Limiter. C'est difficile de s'exprimer sur l'éducation des autres, mais à un moment donné, il faut quand même comprendre qu'on est. Ça, c'est le problème aussi de l'individualisme ambiant, c'est qu'en fait, c'est très fortement ancré maintenant à cause du consumérisme. C'est-à-dire que maintenant, les gens sont d'abord et avant tout des consommateurs, des clients, et le client, comme on dit, est roi entre guillemets. Hein. Donc, ça influence considérablement les comportements. Et aujourd'hui, il y a par exemple un phénomène qui traduit bien ce truc-là. C'est les grands élèves revendicatifs vis-à-vis du système d'éducation. Alors, c'est pas pour vanter le système d'éducation français. On critique quand même assez souvent les profs. Mais je veux dire, il y a quand même un truc qui est symptomatique. C'est les parents d'élèves a priori donnent raison à leur moutard, et qui ensuite vont se déplacer à l'école pour faire un esclandre, pour dire « mais attendez, vous avez parlé comme si à mon gamin, etc. » Enfin, ça, c'est maintenant, c'est extrêmement fréquent, quoi, que les parents se comportent en normal, si vous voulez, qu'un parent d'élève se plaigne si... les professeurs ne remplissaient pas leurs fonctions. Alors, je pense que ça, c'est une raison tout à fait légitime. Et là, il y aurait de quoi dire. On le dit quand même assez souvent ici. Mais c'est pas le sujet, en fait. En fait, pour eux, pour beaucoup de parents d'élèves aujourd'hui, en fait, l'institution, aussi gauchisée soit-elle, est encore trop rigoureuse. C'est encore trop rigoureuse. Et il faut rien dire. Il faut pas parler. Il faut pas en dire un mot de train. Moi, de toute façon, il y a un truc qui, pour moi, a complètement scellé le sort de l'éducation nationale, évidemment, en France, c'est l'interdiction de donner une gifle à un gamin qui fout la merde. Pour moi, un prof, un professeur ou un instituteur doit avoir le droit de gifler un élève qui fait n'importe quoi. Moi, ça m'est arrivé. Je me suis pris... Moi aussi. Je me suis pris un aller-retour par un prof, un homme, c'était au collège, et on était plusieurs gamins dans ce cas-là, c'était dans le cadre d'un voyage scolaire, et moi, il était juste hors de question que je le répète à mes parents. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, toi, c'était à la fin des années 90, mais donc je l'ai pas crié sur les toits. Mais moi, il y a des mecs de ma classe qui l'ont répété, et le prof a été obligé de se confondre en excuses publiquement. Ah ouais, donc déjà c'est déjà inversé, parce que moi à l'époque, si tu veux, il y a pas une question, c'est-à-dire que le parent, bon, son gosse vient de se prendre une claque, bon, le parent peut je veux dire, poser la question, demander, oui, il y a eu un problème avec mon fils, qu'est-ce qu'il a fait, etc., simplement se renseigner. Mais non, aujourd'hui c'est revendicatif, enfin ça se fait plus, parce que de toute façon ça se terminerait au pénal maintenant. Presque. Ouais, tout à fait. Presque. Mais je veux dire, l'élève ne l'aurait pas dit de peur que les parents l'apprennent et remettent une couche. C'est-à-dire que l'élève reprenne une claque, une paire de gifles à la maison, en plus du prof. Vous comprenez, c'est parce qu'on n'aurait même pas eu l'idée de questionner le pourquoi du comment. C'est si l'instituteur ou le professeur, il y a 30 ou 40 ans, mettait une gifle à un gamin, la question c'est pas de savoir si c'était fondé ou infondé, c'est par définition, si le prof l'a fait, c'est que c'est fondé. Et en fait, le gamin risquait de prendre une nouvelle volée si ça s'apprenait. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Ça participe de cette mentalité laxiste, revendicative et consumériste que je décrivais, où l'école doit remercier l'élève pour sa présence, le prof doit remercier l'élève pour sa présence, voilà, et voilà, donc après, pour moi, ça, c'est de la démission maquillée derrière un verbiage pseudo-humaniste, là, comme ils disent. En réalité, cette mère-là, elle veut simplement pas faire son boulot. Oui, c'est tout à fait. Ouais, oui. Parce que c'est beaucoup plus facile pour elle. C'est, ouais, c'est, et puis, c'est... Ne pas rechercher le conflit, y compris avec ses enfants, c'est très gratifiant parce que ça permet en fait de continuer le sentiment fusionnel que la mère a avec son bébé. Et elle prolonge ça de plus en plus tard possible. Et c'est comme ça que tu vois des gamins qui ont 18 ans, qui ont un rapport avec leur mère qui est celui d'un enfant de 5 ans. Ouais, c'est très parce que la mère prolonge la fusion jusqu'à... Et ça devient totalement incestueux, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et non, c'est absolument ignoble. Mais ça aussi, alors c'est pour ça, c'est très bien que notre auditeur en fasse mention. Ici, on le dit souvent en privé, pas forcément dans les émissions, mais oui, il y a une forte baisse du niveau qualitatif des blancs. On va pas se mentir, c'est une réalité du point de vue des mœurs, du point de vue du courage, du point de vue même de l'intelligence. Je caresse l'espoir que les choses vont se régler peut-être de manière naturelle, parce que moi je suis convaincu qu'on vit dans un système absolument absurde et que l'environnement dans lequel on évolue va devenir de plus en plus difficile et donc les gens vont devoir s'adapter et devenir de plus en plus virils dans leur comportement tout simplement. Tu veux dire au contact des maghrébins et des nègres Si t'es une fiotte et que tu veux survivre, ça serait un souci quoi. Ouais, non mais on en touche vraiment. Moi pour moi on est au cœur du problème, c'est-à-dire que le modèle de société qui est développé et surtout la structure économique, la tertiarisation, le développement du consumérisme, les produits consommés. Oui, ça me paraît de l'assistana, hein, des types. Oui, bien sûr. Tout ça porte vraiment à la féminisation des hommes. Et donc mécaniquement aussi parce que les femmes prennent plus d'assurance dans la société puisqu'on les met maintenant dans des postes, une femme dans une fonction régalienne, c'est aberrant au plan historique, c'est complètement aberrant et elles deviennent beaucoup plus castratrices, beaucoup plus dominatrices, ça déséquilibre totalement les deux sexes l'un par rapport à l'autre, et ça donne une société complètement dégénérée. Et ce qu'on voit aujourd'hui n'a rien d'étonnant. Enfin, la dégénérescence actuelle, si vous voulez, c'est pas simplement l'ère du temps, c'est pas simplement une mode, ou je sais pas. Quand vous voyez, parce que tout se passe en même temps, d'accord ? Donc c'est pas possible que les choses... Vous comprenez ? Si vous voyez le développement de l'homosexualité au plus haut niveau, si vous voyez qu'il y a une promotion agressive de l'homosexualité, que ça devient pratiquement incontournable, la transsexualité, ce qu'ils appellent la transsexualité, parce que pendant très longtemps... Des gens ont voulu être magnanimes vis-à-vis de l'homosexualité, mais à aucun moment ceux qui voulaient se montrer magnanimes vis-à-vis de l'homosexualité ne pensaient aux travelots. Les travelots, ça faisait rigoler tout le monde jusqu'à il y a encore une date récente. Aujourd'hui, ils sont protégés par la législation. Vous pouvez même pas faire un bon mot sur un travelot sans ne pas risquer de finir à la 17e chambre. Quand vous voyez ça couplé à l'immigration de masse avec des mâles ultra agressifs, je veux dire des musulmans barbus qui revendique le patriarcat le plus brutal, que tout se passe dans les mêmes pays, les mêmes sociétés, ça ne peut pas être des phénomènes qui ne sont pas liés les uns aux autres. Il y a forcément une explication commune, quoi. Bah, l'explication commune, c'est ce que j'esquisse là dans mon propos, quoi. C'est en fait une baisse radicale en fait de la virilité, Mais quand je dis la virilité, c'est pas une attitude face à la vie. C'est physiologique. C'est une baisse de la virilité des hommes qui est à une origine physiologique et qui appelle donc une correction de je veux dire qui relève de la santé publique. Ça relève des prérogatives d'un ministère, ça. Mais normalement. Si tu veux, il faut pas tomber dans une forme de survirilité qui est juste totalement délirante et qui a des déjà je la vois pas moi je la vois pas la survirilité donc j'aimerais bien la voir pour pouvoir qu'on en parle mais je la vois pas. Bah généralement elle est caricaturée, tu vois, par exemple le fait que la barbe est devenue quasiment une norme alors que les hommes se sont féminisés. C'est intéressant. La barbe des tatas, c'est un attribut de compensation, disons. Ouais, c'est un attribut de compensation. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, ils s'épilent. Toi, t'as des mecs qui s'épilent. Ah ouais. Et qui ont des barbes énormes, quoi. Et si tu regardes les modèles sportifs, on va dire des années 50-60, ils sont globalement beaucoup moins impressionnants, mais beaucoup plus virils que les modèles sportifs. Actuel, donc la virilité est laquelle, parce que si le but de la virilité c'est d'aller dans des salles de muscu, les salles de muscu sont en train de pousser comme des champignons en France, c'est une bulle totale. Pour moi c'est pas vraiment de la virilité, la virilité c'est pas Booba quoi, hein, c'est autre chose. La virilité c'est plutôt Charles Ingalls pour moi, hein. Alors bon, pas l'acteur parce que mais c'est la vraie virilité, c'est d'élever des enfants en France avec un SMIC. Voilà. Ouais, la vraie virilité, c'est juste c'est la vérité en fait, tout simplement. Les gens qui ont une virilité intellectuelle, comme dirait Lugan, c'est juste ça. C'est là que tu vois. Bah, ça passe par qui ça. Et qui ça et qui peut ça. Assumer quoi. Ça passe par ça. Parce que t'as plein de rats, tu vois. Tu sais, ça c'est typique. Les mecs qui se font gauler quand ils ont dit un propos de travers, ça c'est assez fréquent. Ce qu'on appelle un dérapage, vous savez. Et les médias appellent ça un dérapage. Et il y en a de toutes sortes, hein, des dérapages. Hein. Bon, les plus connus, c'est les dérapages, on va en parler sur les chambres à gaz. Mais maintenant, ça peut être les dérapages sur les travelots, ça peut être les dérapages... Il y en a beaucoup, parce qu'il y en a dans un carcan maintenant, donc il y a vraiment... Quand on parlait de castration, de cadenassage, etc., ça participe toujours du même phénomène, quoi. Alors, de féminisation, quoi. Je sais pas si tu as vu, il y a Finkeljutre qui a été pris en flagrant délit de dérapage. Et oui. C'était. Moi, sur le foot. Alors, le football féminin, là, pour le coup. J'étais mort de rire parce qu'il avait quand même pris beaucoup de précautions. Hein. Ah, bon. En disant que oui, ça l'intéressait pas. Et qu'en gros, s'il voulait voir des gonzesses à la télé, c'est pas pour qu'elle. Qu'elles se battent comme des hommes, quoi. Ça n'intéressait pas que ce soit au foot, au rugby ou à la boxe. Il s'est fait reprendre, mais voir les juifs, moralisateurs comme Finkeljutre, se faire reprendre pour des questions morales, je trouve ça. C'est pas jouissif, mais c'est quand non, même mais ce que, bon, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'était que à ce moment-là, ça devient une vraie épreuve pour le coup de virilité, de courage, disons. Mais le courage est une, pour moi, bon, il y a des femmes qui peuvent être courageuses, c'est pas la question. C'est pas ça, mais je veux dire, c'est quand même un attribut de l'homme par excellence. Bah, c'est pas les mêmes types de courage. C'est pas les mêmes types de courage, justement, c'est souvent dans l'adversité face à, surtout dans le domaine politique, quoi. C'est là qu'on va voir la qualité masculine chez un homme ou pas. Est-ce que le type va ramper? Est-ce que le type va vraiment... Excusez-moi, vraiment, si j'ai blessé des gens, enfin, vous connaissez, quoi. Ou alors le type va dire, allez vous faire foutre, je maintiens tout ce que j'ai dit. Et vous allez voir que là, c'est très, très, très fréquent. Peu importe la question... Mais si ça viole un tabou en place actuellement, dans 90, si c'est pas 95% des cas, la personne concernée, qui est très souvent un homme, remarquez, ça se passe jamais par hasard. Hein. C'est très rarement des femmes qui se font reprendre. Il y a une fois récemment, il y a pas trop longtemps, c'est Brigitte Lahaye quand elle avait dit qu'une femme pouvait jouir en étant violée, parce qu'il y a une réalité physiologique d'ailleurs. Enfin, c'était pas Ça a été surinterprété, mais ce qu'elle avait dit était connu. Enfin, je veux dire, ça existe, voilà. Et elle s'était fait complètement détruire parce qu'on était en pleine phase de promotion de la, comment dirais-je, de la dénonciation, ouais, voire la dénonciation calomnieuse de viol. Avec le fameux MeToo, voilà, si vous avez été victime d'un viol, dénoncez-le. Oui, alors d'ailleurs, je le dis, hein, si vous avez été effectivement victime d'un viol, dénoncez-le, c'est sûr. Mais allez là où ça se passe, c'est-à-dire allez, comment dirais-je, au commissariat ou bien à la brigade de gendarmerie, mais pas sur les réseaux sociaux. Faut quand même un minimum de sérieux, je veux dire. Mais je veux dire par là que c'était encore dans un climat... C'était intéressant parce que Brigitte Lahaye, je me fais pas le défenseur de Brigitte Lahaye, mais ce que je veux dire, c'est que elle essayait de défendre quand même encore une répartition claire des sexes. Hein. Et on lui a reproché. Voilà, on lui a reproché. Et comme elle avait voulu importer un peu de nuance dans l'espèce de stalinisme féministe de l'époque, bah, elle a été brûlée en place publique. Donc oui, il y a des femmes qui se font aussi cracher. D'ailleurs, je me rappelle, hein, elle avait pleuré. Oui, il n'y avait pas le manifeste aussi des... Alors, ils avaient repris le concept du manifeste des 343 salopes. Ouais, ouais, ouais. Qui, à la base, c'était un truc qui était paru, je crois, dans le Nouvel Obs. Libération, ça, non ? Ouais, c'était pour la liberté de se faire importuner, en fait, ou la liberté de se faire draguer. Je crois que c'était... Ça a bien changé. Je ne sais plus c'était quelle actrice. Mais en fait, c'est des actrices des années... Ouais, c'est des actrices des années 60-70. Elles ont connu une forme de libertinage qui et c'est assez marrant parce que c'est des femmes qui ont connu une forme d'inégalité juridique, par exemple le fait de ne pas pouvoir passer le permis sans le consentement de son mari quand elles étaient jeunes, hein, ou le fait de ne pas avoir droit à un carnet de chèques sans le consentement de son mari également. Et chez ces femmes, il y a une forme de on ne retrouve pas une forme de haine de l'homme, en fait, aussi poussée que chez certaines féministes beaucoup plus jeunes. Bah, elles ces sont beaucoup plus équilibrées, en fait. Ces femmes-là, elles ont connu des hommes. Hein. Ces femmes-là voulaient coucher avec des hommes. Elles voulaient coucher comme elles voulaient avec des hommes. Aujourd'hui, le féminisme auquel qu'on observe actuellement, dit de troisième vague, plus ou moins, en fait, c'est plutôt un retour au puritanisme. Moi, je crois que j'ai eu l'occasion de dire ici que je trouvais qu'il est... Il convergeait étonnamment, en fait, avec la progression de l'islam dans le monde occidental, surtout en France notamment. C'est-à-dire que, en fait, les musulmans, de la même façon, disent « Nous, on veut pas que les hommes nous regardent, on veut des horaires spécifiques à la piscine, on veut pouvoir porter le voile. » Enfin, tout ça me va très bien, je veux dire, moi. Enfin, ça me va très bien. J'aimerais que ce soit pas dans mon champ de vision, disons. Mais je comprends que les femmes musulmanes ne veulent pas être regardées par des hommes, ok, ça... Moi, je suis pas pour la mixité, le melting pot à la Sarkozy. Moi, je suis pour la ségrégation, donc ça me va très bien. Je préférerais juste qu'elles le fassent dans leur pays à la con. Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est juste pour les besoins de la démonstration. Mais ça converge de plus en plus avec un féminisme lesbien. Parce que je pense, en fait, qu'il y a une OPA du lesbianisme, en fait, sur le féminisme. Ouais, totalement. Qui ne dit pas exact, qui ne dit pas son nom, parce que c'est pas fait en ces termes-là. Mais on voit bien qu'il y a des lesbiennes, comme, une des plus caricaturales et aussi des plus installées, c'est Caroline Forest, mais qui progressivement se fait déplacer par ce qu'on appelle un féminisme, entre guillemets, indigéniste. Donc là, c'est le féminisme des femmes de couleur, en fait, hein, qui voient dans la bourgeoise blanche lesbienne et son féminisme agressif, en fait, une forme de domination néocoloniale, pardonnez-moi, je reprends leur verbiage, hein. Et donc elles veulent les dégager, bon, mais ce que je vois, c'est quand même une haine de l'homme, oui, et récemment j'ai vu une gonzesse de l'homme blanc, c'est ça qui est réuni. Récemment j'ai vu une femme intervenir à la télévision, c'était une féministe, donc de la génération dont t'as parlé avant, 60-70, qui disait, mais qui avait du mal à comprendre, en fait. Elle dit, c'est bizarre, parce qu'aujourd'hui, celles qui se revendiquent du féminisme ont une véritable animosité à l'égard des hommes, ce qui n'était pas du tout notre cas, et c'était pas du tout notre propos. Et c'était intéressant, parce qu'on voyait que là, il y avait un facteur générationnel, et aujourd'hui, quand vous regardez les féministes, on va dire, dont le modèle vient d'Amérique, en réalité, hein. Les féministes qu'on voit aujourd'hui en France, c'est des modèles qui existaient il y a 10 ans aux États-Unis, quoi. Et là, c'est vraiment lesbien. C'est vraiment ouais, tout à fait. En fait, il y a eu une première vague qui s'est concernée sur l'égalité juridique. Ouais. Deuxième sur le contrôle des corps, alors avortement et sexualité. Ouais. Donc typiquement la haie, quoi. Typiquement. Oui, oui, oui. Et la troisième voie, mais en fait, elle a apparu vachement tôt, effectivement, sur les campus américains, qui est beaucoup plus protéiforme, qui est totalement disparate. Mais le point commun, c'est la volonté de la rééducation de l'homme blanc. Parce que oui, oui. Il faut vraiment rééduquer le petit garçon comme une féministe pour s'en faire en allié. Donc en fait, le nouveau féminisme est quand même globalement dirigé contre les hommes. Et vu que dans la troisième voie, ouais, t'as quand même des féministes qui voient les choses de façon raciale, bah, le point commun, ça va être se diriger contre le pauvre mâle blanc. Et moi aussi, j'ai constaté des nanas très jeunes qui était infiniment plus virulente que ma grand-mère, par exemple. Mmh. Alors qu'elles ont grandi dans un environnement qui est totalement oui. féminisé, où les machos sont... ce qu'on appelle les machos, je pense l'être plus ou moins, sont quand même quasiment totalement absents. Et elles ont des discours super radicaux. Alors que il n'y a pas lieu d'être. Et tu parlais tout à l'heure de l'OPA lesbianiste. Je crois que quasiment toutes les intellectuels qui sont dans les facs de lettres américaines qui ont repris les théories de Derrida, Deleuze, Bourdieu, Foucault, il me semble que 90% sont juives, lesbiennes et profs de lettres. C'est ça. Judith Butler, mais c'est une caricature. C'est ça, oui, tout le mouvement féministe des années 60-70 a été bâti, pour ainsi dire, par des juives américaines. Vous pouvez vous intéresser à tous ces mouvements-là, c'est très documenté. C'est pas du tout une théorie de la conspiration, hein. Je veux dire, vous lisez sur Wikipédia. Il suffit de lire, c'est pas un secret, quoi. Le drame, en fait, c'est d'avoir. C'est que les juifs ont introduit. Dans la culture populaire, à partir donc des années 60, on calquait sur les rapports hommes-femmes la grille d'analyse marxiste. Et ça, comment dirais-je, ça a complètement empoisonné les rapports entre les hommes et les femmes, et ça donne ce que tu décris très bien, MacDav, c'est-à-dire tu peux avoir une grand-mère qui a vécu, pour le coup, dans un système patriarcal, où la femme n'a pas le droit de vote, en tout cas jusqu'en 45-46, elle n'a pas le droit de vote. Je veux dire, le divorce n'est pas du tout libéralisé au point qu'on connaît à l'époque, parce que déjà, c'est encore très mal vu. L'avortement, n'en parlons pas, ça viendra que dans les années 70, etc. Et ces femmes-là, en fait, sont beaucoup mieux dans leur tête, ont connu des époques beaucoup plus dures, à tout point de vue, au point économique, social, etc., et ne sont pas du tout rongées par les aberrations hébraïques que l'on voit aujourd'hui, et dont on va parler d'ailleurs pour notre rubrique autisme radical, ce qui va me permettre de faire la transition d'ailleurs. Alors, excuse-moi, mais c'est un avis personnel qui, je pense, n'est pas dénué d'intérêt. Mais ces nanas-là qui ont été élevées, qui ont grandi dans une société où le fait de tuer son gamin, l'avortement, était quelque chose qui était très mal vu, en plus d'être illégal, ça y fait. Depuis que c'est très bien, et même Simone Veil est une grande dame, etc., etc., mon corps, je fais ce que je veux, enfin bon, là tu parles de l'avortement à des nanas, oui, tu es son gamin, c'est super, quoi, c'est merveilleux, c'est ma liberté, j'en fais ce que je veux. C'est possible. Ça fait des fous. En gros, des nanas complètement barrées. Complètement barrées qui ont la pulsion de mort. Quoi, hein. Pour le coup, elles qui sont censées donner la vie. Là, elles sont leur plus grande victoire, leur plus grande fierté, c'est de tuer des gosses. De leur tuer leurs propres gosses. Alors qu'on sait, on sait très bien, bon, on va parler de l'avortement, mais on sait très bien qu'au minimum, sauf femmes totalement de mauvaise foi, mais il y a des tas de forums en ligne, vous pouvez vous y rendre, des forums qui sont pas anti-IVG. Je dis bien des forums de femmes qui discutent, voilà, j'ai envie de me faire avorter, ça se passe comment, machin truc. Vous allez voir. Qui sont dépressives, enfin, qui sont bah, vous voyez l'état de désespoir psychologique de ces femmes, enfin, qui restent marquées à vie, ça, faut le savoir. Hein. Y a très peu de femmes, très très peu de femmes qui disent rien du tout, non, très très peu de femmes. Très très peu de femmes. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup d'avortements, mais il y a. Bon, je veux pas rentrer dans la discussion, mais je veux dire, ça traumatise celles qui le font, et de toute façon, même si elles y sont favorables, celles qui l'ont fait reconnaîtront que ça a été un traumatisme. Donc, moi, de voir la promotion de l'avortement comme une espèce de moyen d'émanciper la femme, c'est une connerie, c'est faux, ça émancipe pas du tout la femme, ça la met dans un état... extrêmement difficile, mais bon, ce serait une autre... Je crois que Simone Veil, à la fin de sa vie, avait dit que l'avortement était, quoi qu'il en soit, un échec. Et faut pas oublier que Simone Veil, c'est une juive infiltrée dans la démocratie chrétienne. Encore une fois. Non, mais il faut comprendre ça. Les rapports hommes-femmes aujourd'hui en Occident, en Europe de l'Ouest, sont bousillés par la sémitisation culturelle de ces rapports. On ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement si on ne voit pas que le poison juif a détruit depuis... Il y avait des racines avant la guerre, mais après la guerre, il y a eu un boulevard. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, en termes d'aberration, c'est du sémitisme. Ça a commencé, voilà, en fait, ça a peut-être commencé avant, mais là où ça a vraiment pris son envol, c'est après la Première Guerre mondiale. Oui. Pas mal de mecs qui étaient. Il y en a beaucoup qui sont lancés sur le carreau. Ouais, hein, voilà. Donc, il y a eu pas mal de femmes qui ont dû un petit peu prendre. L'assurance. Ouais, de l'assurance, hein, occuper des fonctions, etc. Et c'est ouais, c'est le grand tournant. Les deux guerres mondiales, de toute façon, c'est ce qui a mis l'Europe la première au niveau. Au niveau biologique, et puis à la seconde de Nuremberg, quoi, le catéchisme, voilà, c'est ça, le catéchisme hébraïque qui vient te prendre cette population-là pour en faire de la pâte. Donc sans déconstruction antisémite, on peut pas comprendre ce qui se passe. Donc il faut, je sais que Zemmour avait proposé de déconstruire la déconstruction, moi je pense qu'il faut déconstruire le judaïsme en fait, parce que sinon on peut pas comprendre ce qui se passe. Et je suis très partisan de détruire en fait ce troisième temple qui dit pas son nom. Telle la légion romaine qui passe au bulldozer dessus. Voilà, c'est ce que je propose. Il faut faire boire aux juifs son propre poison. Oui. Alors, ça tombe bien, puisqu'on est donc sur la question du féminisme. On va parler d'autisme radical. Et là, c'est Combini. Vous connaissez ce média en ligne qui est présent sur les réseaux sociaux, qui nous fait savoir qu'il y a une journée spéciale. Règles féminines. Parce que, oui, le sémitisme progressant, tout devient, hein, il faut faire feu de tout bois pour alimenter la guerre entre les femmes blanches et les hommes blancs, évidemment, puisqu'il faut détruire la société blanche, c'est l'objectif. Donc, jusqu'à des choses aussi triviales que les règles. Donc, je vous propose d'écouter une jeune femme qui s'exprime sur Combini, qu'on a mobilisé, pour une journée qui s'appelle « Ça va saigner ». Et donc, cette jeune femme, en fait, exhibe son entrejambe, elle est habillée, hein, je précise quand même, mais elle exhibe son entrejambe ensanglantée, pour choquer, voilà, et pour attirer l'attention. On l'écoute et on se retrouve. Le coût des règles, c'est environ 5000 euros dans une vie, ce qui peut monter jusqu'à plus de 23000 euros si on compte les antidouleurs, les draps, les sous-vêtements qu'il faut changer, les rendez-vous médicaux. Le 1er février dernier, j'ai passé toute une journée où j'avais mes règles sans porter protection périodique. Donc forcément, on a vu mon sang. Vu que c'est du sang de vagin, ça a été un scandale. Enfin, il y avait peut-être ça de sang, mais c'était comme si j'avais inondé Paris. Alors qu'en vrai, la précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir accès aux protections périodiques parce que tout simplement, on n'a pas l'argent, parce que ça a un coût... très conséquent. Les règles vont coûter environ 10 euros par mois selon son flux. Donc imaginez ce que ça coûte par an, par vie. À ça, il faut ajouter les antidouleurs, il faut ajouter les changements de draps, les changements de sous-vêtements. C'est des ruines en fait. La précarité menstruelle touche 1,7 million de personnes rien que en France. Et par personne, j'entends des personnes dans la rue, mais aussi des étudiantes. Ça veut dire que quand tu vas à la fac, il y a des filles, elles ont à peine pour payer leur loyer, donc tu imagines bien qu'elles n'ont pas pour payer leur protection. Mon but, c'est que ça ne coûte plus rien. Comme on ne paye pas les médicaments quand on va chez le médecin. Mon but, c'est que l'État prenne en charge quelque chose dont on ne peut pas se passer, en fait. J'ai pris contact avec un groupe de filles qui s'appelle Ça va saigner. Ce samedi 15 juin, si tu as envie de participer au mouvement Ça va saigner, tout simplement poste une photo sur Instagram ou ton réseau avec le hashtag Ça va saigner. Concrètement, ce qu'on veut voir, c'est plein de photos de règles ou de fausses règles, de dessins de règles, de choses qui représentent des règles, de protections périodiques, enfin, tout en fait qui rappelle les règles et qui montre que les règles existent, qu'on arrête de les cacher. C'est important de participer à ce mouvement parce que enlever le tabou des règles est nécessaire pour dénoncer la précarité menstruelle. Alors les amis, bon, on reste donc sur notre lancée par rapport à cette question du rapport homme-femme et de sa sémitisation. Alors là, maintenant, c'est les règles. Et en gros, règles et socialisme, là, j'ai envie de dire. Il faut que les contribuables payent. Vous savez qui c'est qui contribue nettement. Il y a des études là-dessus au plan fiscal. Donc il faut que ceux qui payent, il faut qu'ils assurent le coût des règles, et elle nous dit ça coûte quand même un minimum 23 000 euros quand même par an. Oui, alors Gandalf. Pour une vie. Ah, pour une vie, oui, pour moi. Pour une... Mais elle alors, dit pas, pour une vie, mais Gandalf, elle dit aussi également que ça coûte 10 euros par règle. Mois. Par mois. Ouais. Donc, excuse-moi, 10 euros sur un an, ça coûte 120 balles, quoi. Ça coûte, mais elle dit, il y a des traitements antidouleurs, il y a des pilules antidouleurs, des trucs comme ça, parce que c'est vrai que les femmes ont parfois des règles douloureuses, donc elles prennent des pilules, etc. C'est pas remboursé, ça, déjà? Bah, apparemment, elle dit que non. Bon. Elle dit que non. Un gros doute, hein. Non, il y a des commentaires de femmes qui disent qu'elles ont fait le calcul et ça coûte pas... Ça coûte 5 000 euros sur une vie, quoi. Pas 23 000. Alors moi, déjà, moi, je trouve que là, il faut pas confondre non plus identité de genre et expression de genre, parce que Qui vous dit que ce que vous pensez être un homme dans la rue n'a pas ses règles? Oui, bah les hommes peuvent avoir leurs règles. Et voilà, et bon. Et alors, moi je pense que ceux qui s'identifient à une femme devraient pouvoir, parce qu'il faut être dans l'égalité ou on ne l'est pas. Hein. Donc si on veut être dans l'égalité, il faut que les hommes, qui sont en réalité des femmes, puissent aussi demander le remboursement de leurs règles, donc au titre donc, des sommes qu'elle a avancées. Ça peut arrondir les fins de mois. Bah, je crois que c'est James Damore qui était un type qui était chez Google qui s'est fait virer du coup. Hein, ah oui, en interne, il travaillait en interne. Hein, c'est ouais, ça, ouais, il bossait chez Google hein, et il s'est dit, bon, il revenait un petit peu sur son expérience là-bas. Il disait, ouais, dans les chiottes, les toilettes pour hommes, il y avait des serviettes hygiéniques parce que les hommes aussi ont leurs règles. Ça, c'est... Le problème, c'est chez Google et c'est une entreprise mondiale qui contrôle ce que vous pouvez faire sur Internet. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe. Oui, et puis si vous n'êtes pas comme il faut, ben vous déréférencent et puis vous dehors. Quoi. Et c'est pareil, c'est ça, en fait, c'est chez tous les tycoons, quoi. C'est ça. De la Silicon Valley, ce sont des entreprises qui sont orientées, mais alors, à un point. Ouais. C'est caricatural comme ça, hein, au niveau des règles, enfin des serviettes hygiéniques dans les chiottes pour hommes. Visa, PayPal, Mastercard, etc. C'est un cartel, hein, un cartel qui est de plus en plus radical. Alors je précise que Google est une propriété juive. Oui, beaucoup de ces entreprises-là sont effectivement. Bah non, mais je veux dire, faut le dire, hein, il y a Page et Brin. Oui. Donc Facebook, voilà, oui. les deux partenaires hein, sont quand même deux juifs. Ils avaient d'ailleurs, il y avait une vidéo dont on avait parlé, qu'on avait commenté dans l'émission, tout de suite après l'élection de Donald Trump. Où ils avaient fait une espèce de brainstorming, ils étaient tous en état de dépression, ils étaient sous le choc, ils pensaient que Clinton allait gagner, et ils avaient dit, il va falloir mettre au point une stratégie pour contrer les blancs. pour contrer les blancs, comment on va contrer les blancs sur Internet, etc. Et ça intègre le paradigme sexuel, c'est-à-dire que les juifs ont bien compris que la sexualité, que les rapports entre les sexes peuvent être militarisés, c'est ce que j'ai dit, de la même façon que les rapports socio-économiques peuvent être militarisés, c'est ce qu'a fait Marx. Donc en fait, on peut transformer, et la grande formule d'ailleurs du national-socialisme, et aussi du fascisme et du national-socialisme, c'est de proposer non pas la lutte des classes, mais la coopération des classes, et évidemment, mais ça, c'est pas une invention du national-socialisme, mais c'est, donc ça peut être une formule politique consciente, c'est une coopération entre les sexes, ça tombe sous le sens, c'est qu'il y a une complémentarité à développer, or on cherche pas à développer la complémentarité, puisque en premier lieu, on nie qu'il y a des différences naturelles entre les hommes et les femmes. Et tout le délire sémitique qu'on voit aujourd'hui s'étaler devant nous, alors on ne peut plus dire que ça ne s'étale pas devant nous, hein. Je veux dire, on nous le met sous le nez, même si vous ne voulez pas voir, on vous le met sous le nez, dans les grands médias, dans la presse, dans les réglementations adoptées. Là, je ne sais plus encore qu'est-ce qu'il y avait encore récemment, là, ils ont sorti toute une batterie de réglementations. En France, il y a une offensive féministe, c'est délirant. Alors, ça va avec le foot, mais c'est, je veux dire, tous les mois, ils sont en train de nous inventer un truc. On avait eu la charge mentale, là on a le foot, et puis l'histoire des règles, voilà. Et puis il y a eu un autre truc aussi, il y a une grève des femmes. Je sais pas si tu en as entendu parler. Samiano, ouais. Comme il y a eu un État aux États-Unis qui a signé une loi interdisant, je crois, l'avortement. Mais c'était pas une grève du sexe plutôt? Ouais, alors ce qu'elle proposait, c'était que les femmes fassent la grève du sexe. Et d'ailleurs, t'as Marlène Schiappa qui a répondu en disant qu'après tout, elle n'avait pas à le faire parce que les femmes seraient victimes parce qu'elles se priveraient elles-mêmes. Ce qu'on dit assez long sur Marlène Schiappa d'ailleurs. C'est une pute, hein, disons-le. Mais je crois que c'est en Suisse où il y a eu un mouvement de grève. Mais il me semble que c'est partout en Europe, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est encore autre chose. Déjà, de toute façon, si des femmes. Heureusement, c'est une minorité, mais une minorité bruyante. Bruyante pourquoi? Parce qu'on lui tend aussi le haut-parleur. Et qui lui tend le haut-parleur? Shlomo, sors du rang, s'il te plaît. Tu vois, voilà, c'est. On sait très bien qui fait ça, quoi. Mais ça suffit pour créer une ambiance délétère. Non, mais ça devient de... ouais, ça devient vraiment sans limite. Ça fait un bruit de fond qui sonne un peu comme du chauffard. Oui, oui, oui. C'est ça. Hein. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que les nanas regardent beaucoup la télé, en plus, sont très sensibles. Très influençables. Les séries jouent un rôle terrible, je veux dire, franchement. Netflix. Bien sûr. Bah ouais, Netflix, c'est la poubelle. Hein. C'est l'avant-garde du lesbianisme, de l'homosexualité et de la promotion, presque de la pédophilie, mais des relations interraciales en tout genre. Il n'y a plus que des femmes fortes à la télé. C'est impressionnant. On rencontre très peu de femmes fortes dans sa vie. Ça existe, hein. Mais à la télé, il n'y a que ça. Et que des mecs. Moi, quand tu me parles de femmes fortes, moi je pense à Maïté, mais je sais pas pourquoi, tu vois. Je pense à Schiappa, c'est bizarre. Bah ouais, non, mais je veux dire, non, mais femmes fortes, il y a que des. Je veux dire, même Lara Croft, en fait, je pense que maintenant elle est encore trop féminine. Bah oui, oui. Gros seins déjà. Voilà, elle est trop stéréotypée par rapport au désir masculin, tu vois. En fait, il faudrait. Ouais, mais le truc des gros seins, enfin, je veux dire, la promotion agressive des gros seins, etc., c'est artificiel, on est d'accord. Et de toute façon, les canons de beauté évoluent quand même de décennie en décennie. Si vous regardez les modèles européens, enfin, de type européen, je dis des années 50, c'est des filles qui ont des formes naturelles, mais qui sont un peu charnues, quoi. Et ensuite, on est allé vers des femmes plus longilignes. Dans les années 90, on est carrément tombé dans l'anorexie. Oui. Et là, visiblement, on en a parlé récemment. Là, on va plutôt arriver, je crois, vers les formes à peu près congolaises, quoi. Hein. Je crois que c'est ce qui se produit. Oui, non, mais j'exagère pas. Je veux dire, le twerk, etc. C'est très clairement. Les gros culs pleins de graisse, tout ça. Hein. C'est ça. Voilà, ouais. Le physique de la gonzesse là sur la vidéo de Combini. Ah oui, non. Là, c'est pas le twerk, hein, du tout. Hein. Oh la vache. Oui, enfin, pour nos auditeurs qui l'auraient pas vu, si oui. Vous voulez, bon, en fait, vous avez une espèce de truc anémié, pour le coup, elle est vraiment palote. Elle aura des yeux globuleux. Elle est très pâle et elle a un rouge à lèvres très agressif. Oui, des cheveux roses aussi. Hein, cheveux oui. Roses fluo. Je crois que c'est un principe biologique. Je crois que ça se retrouve chez les grenouilles, où pour signifier leur dangerosité et leur toxicité, elles développent des couleurs qui sont reconnaissables par les prédateurs. Et ben voilà. Oui, les grenouilles bleues ou rouges, tu vois, qui est d'ailleurs pas très. Je suis empoisonné. Finalement, tout est dans l'ordre. Le féminisme rend l'air. Si vous voyez une femme avec des cheveux rouges, mauves, machin, n'approchez pas. Ah oui, ça veut dire j'aime la mort, venez vous tuer avec moi. C'est ça. Au départ, une fille qui assez jolie, on peut le dire, comme Marion Seclin, qu'on a taillé pas mal de fois, en fait, qui est de base, ça va quoi. Et en fait, le féministe, tu vois comment ça l'a rendu, mais ça fait peur. Hein. Et en fait, toutes les femmes féministes que j'ai croisées, ça donne à peu près des trucs comme ça. Hein. Ouais, c'est des monstres de peur. C'est un peu, vous savez, c'est un peu comme MK Ultra, vous savez, ces espèces de programmes de la CIA ou du Pentagone pour reprogrammer des bonhommes. Ça me fait penser un peu à l'État islamique, vous savez, ils passent par des traitements comme ça. Bah, les bonnes femmes qui passent par la case féministe, vous savez, elles ont un kit, quoi, vous savez. Donc il y a un kit d'apparence, les cheveux elles colorés. Elles ont les cheveux plus courts, donc du coup les hommes les aiment moins, parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Elles deviennent de plus en plus masculines, les lunettes. Le rouge à lèvres, enfin tout le maquillage hyper prononcé. L'anneau de buffle dans le nez aussi. Oui. Ouais, oh les cheveux verts, bleus, violets, ce que tu veux. Le tatouage, le drame du tatouage, messieurs. Ah oui, le drame du tatouage chez les femmes. Horrible. Alors si notre ami dans le levier était là, je pense qu'il nous parlait effectivement des déséquilibres hormonaux chez ces nanas-là. Quoi. C'est en général, quand tu regardes bien, elles ont des traits physiques qui sont plutôt masculins. Quoi, hein. Oui. Des mains avec les doigts un petit peu... et des mains d'hommes, quoi. Hein. Des voix bizarres, ou alors des grosses mâchoires. Marion Seclin, elle a quand même une mâchoire un petit peu louche. Quoi, hein. Spéciale. Hein. Ce sont des détraqués hormonaux, en fait. Hein. C'est ça. Il y a plein de vidéos YouTube où on voit l'évolution physique de ces militantes. Ah oui, je recommande ça. C'est impressionnant. Et elles sont vraiment de plus en plus laides. En un an, tu détruis une fille. Ah oui. Tu la détruis. Tu regardes une qui est très connue, c'est Antastasia. Antastasia, c'est une très jolie fille à la base. C'est pas la pire, hein, je veux dire, de toutes les filles. Je veux dire, elle est totalement con, on est d'accord. Mais je veux dire, c'est pas la plus déglingosse, rageuse, etc. Elle est totalement à côté de ses pompes. Quand elle va commencer à sortir un peu des vapes, elle aura 42 ans et elle va se rendre compte que sa fille est foutue en l'air, mais c'est pas grave. Mais c'est en termes de reprogrammation dégénérative, il y a des cas quand même beaucoup plus lourds. Moi, je serais pas étonné qu'elle se convertisse à l'islam. En mode totalement. Enfin, à un moment donné, tu vois les femmes, elles sont quand même doivent suivre un modèle biologique. Mmh. Et quand elles se rendent compte qu'elles ont été vraiment très très loin, il est possible que qu'elles aillent dans le sens inverse le plus total. Donc toi, ça donne Diams qui se convertit à l'islam, quoi. Tu vois. Oui, non, mais ça c'est parce que très généralement, c'est parce qu'elles tombent sur un mec. Excusez-moi d'être un peu trivial, mais sur un mec. Qui remplit son rôle vis-à-vis d'elle, quoi. Et c'est des éponges au plan psychologique. J'ai vu ça très souvent. Il y a des femmes de caractère qui savent ce qu'elles veulent, etc. Mais il y a beaucoup de femmes influençables. Et en fait, si elles tombent sur le bonhomme qui vraiment... voilà, elles sont, non, c'est bonhomme, celui-là et pas un autre. En l'occurrence, ce sera un métèque, puisque symboliquement, oui, mais je crois qu'il y en a si elle recherche pas, en fait. Le pouvoir, tu vois, symboliquement, c'est comme c'est l'oppressé, tu vois, c'est là qu'il y aura quand même le plus de chances de trouver quelqu'un qui va rétablir des valeurs face à ces enculés de blanc. Quoi. Donc ce sera. Antastasia, c'est un. Elle se convertira à l'islam, elle nous coffera des petits algéro-cons. Je sais pas, parce que ça sent le snobisme quand même. Ça snob, hein. Ça sent le snob quand même, tout ça. Cette gonzesse-là, c'est marrant parce qu'elle parle en fait comme. Enfin, ça se voit qu'elle est en manque de maternage aggravé. Mais en même temps, elle est tellement narcissique que elle veut occuper tout son propre espace, quoi. Donc, c'est assez drôle. Mais pour quelqu'un qui dit pas vouloir d'enfant, je trouve ça assez cocasse, quoi. Enfin, bon. Ouais, c'est sa façon de mettre en avant ses gros lolos. Ça coche. Ah, vous avez pas vu, j'ai vu ça, ouais, soi-disant, elle voulait me montrer son surpoids, etc. Ouais, en mode, tu sais, parce que ça, c'est très à la mode chez les féministes. Comment dire, je suis en surpoids, et alors? Bah, et alors, ouais, t'es une feignasse, tu prends pas soin de toi, quoi, c'est tout, quoi. C'est tout ce qu'il y a à dire, c'est tout, voilà, si t'aimes les bourrelets, bah, tu vis avec, hein, Et il y a les poils aussi. Bah, il en Mais parle tout, plus c'est un sur les tout, bras. c'est-à-dire, elle revendique le droit d'avoir un poil au milieu de la main, tout en voulant être traitée comme des princesses. Alors non, c'est l'un ou l'autre. C'est soit tu fais des efforts et t'es récompensé pour tes efforts, soit tu fais rien et t'es laissé au bord de la route. Mais c'est pas les deux. Ça, je sais pas où elles ont été trouvées ça, mais il y a une prétention à bénéficier d'une, comment dirais-je, à pouvoir revendiquer d'être placé sur un piédestal en ne foutant rien, qui est juste hallucinant de la part de ces gonzesses. Encore une fois, tout ce verbiage, ce pseudo-discours élaboré, le féminin. Encore une fois, c'est pour maquiller une fainéantise crasse. Une fainéantise crasse. Et c'est même pas ce que veulent les femmes. Les femmes, la plupart des femmes, elles sont coquettes, elles veulent être jolies, elles veulent être regardées, il faut pas se mentir. Elles ont, enfin, toutes les femmes n'ont pas envie d'être habillées avec comme des sacs à patates, quoi. Faut pas. Celles qui veulent être habillées comme des sacs à patates, ce sont des fainéantes, hein. C'est tout, hein. C'est la loi de la gravité, ça. Voilà, la loi de la gravité, soit tu te rebelles contre elle et tu essayes de te tirer par le haut, soit tu acceptes de subir sa dictature et tu te répands par terre. Voilà. C'est vrai, hein? Oui. Alors, puisqu'on parle de youtubeuse, là, je sais pas si vous connaissez cette nana-là, elle se fait appeler sur YouTube Pure Human Soul. Donc ça veut dire pure âme humaine. Bon, Ah la pute. la pute. Mais parce que cette fille-là, elle a des centaines de milliers d'abonnés, essentiellement d'abonnés et eux. Elle parle à des gamines. Le niveau culturel et même au niveau du QI, alors là, on est. Parce qu'on se fout souvent de la gueule du QI des nègres, à raison. Mais Là oui, attention, hein, dans la là race oui. blanche, il y a quand même le fond du panier aussi. Hein. Ça Là oui, existe, je veux dire. c'est un affaire. Ah, on est vers ça. Hein. On est Et cette. ça parle du bout des Bushmen, quoi. Alors, elle, elle n'est pas féministe au sens. Il n'y a pas une prétention intellectuelle à la différence d'une bourgeoise comme Anastasia. En revanche, en fait, c'est la pétasse, entre guillemets, produit de 68. C'est-à-dire, c'est la fille de boumeuse. Et elle assume totalement d'être une pétasse. Et alors, elle, pour le coup, est finie avec un arabe. Et dans une de ses dernières vidéos, elle célèbre l'Aïd dans ce qu'elle appelle sa belle famille. Alors là, c'est des bougnoules, quoi. Et la gonzesse est une pétasse revendiquée. Enfin, c'est une. Elle est en surpoids total. Elle est maquillée comme une voiture volée. Elle se met en parce qu'elle va avoir des contrats avec quelques marques de lingerie pour toucher un petit billet en fonction du nombre de vues, de ventes, etc. Et à côté de ça, bon, enfin, elle assume totalement sa putisation et elle pousse beaucoup de gamines qui ont 14, 15 ans. Qui cherchent des modèles, qui cherchent des exemples à copier. Il y a plein de. Parce que vous savez, il y a les gamines comme. Enfin, les gamines, maintenant c'est une femme, mais comme Nabila, vous savez, Nabila. Bon. Il y a des femmes qui vont essayer. Enfin, des jeunes femmes qui vont essayer de ressembler à Nabila, en termes de pute. Mais il y a plein de femmes qui n'ont pas le physique de Nabila. Parce que, enfin, à part ses seins surgonflés, là, ridicules. C'est une fille qui est plutôt bien faite, je veux dire, en termes de corps. Bon. Non, mais Nabila était très très Ouais, jolie avant ouais, non, elle était son quelconque. corps de chirurgie. Oh, elle était quelconque, elle était toute. En fait, elle s'est fait refaire la face aussi. Hein. Elle s'est C'est fait ça qui est refaire la aussi. face, ouais. Bah oui, non, mais ça l'a totalement dénaturée. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez ce type de pupute qui cherche à être sophistiquée, qui cherche à avoir des produits. De luxe, voilà, bon, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Hyper marketé, quoi. Mais vous avez plein de filles, de jeunes femmes, qui peuvent pas prétendre à incarner ça. Pourquoi? Ben, je sais pas, là, la génétique, si vous voulez, c'est compliqué, quoi. Si une femme a de la culotte de cheval, elle a la culotte de cheval, ouais, bon, elle peut essayer de faire du sport, de machin, elle peut en perdre un peu, etc. Mais si la génétique a décidé qu'elle aurait une petite culotte de cheval, elle en a une. Bon. Ça crée du complexe, voyez. Alors qu'une gonzesse, comme l'autre dont j'ai parlé, la Pure Human Soul, donc là, elle est en surpoids total, etc., l'exhibitionniste complète, elle peut toucher un vrai public qui est beaucoup plus... qui est beaucoup plus commun, beaucoup plus nombreux, et en quelque sorte, beaucoup plus prolétarien. Et ça fait beaucoup plus de casse. Ouais, totalement. Bah, tu le vois. C'est en plus ça qui est triste, hein, c'est qu'elle est terriblement bête, cette fille. Franchement, ouais. C'est insupportable à l'écouter. Hein. Moi, je tiens pas deux minutes. Et elle a un nombre de followers sur les réseaux sociaux qui est assez hallucinant. Moi, ça m'a fait marrer de la voir en mode je fête l'Aïd de machin. Parce qu'en fait, la dernière image que j'avais de cette poufiasse, c'était quand elle donnait en gros des cours de pipe sur comment faire des bonnes. Et après, elle va dire oui, mais en fait, je fête l'Aïd. C'est ça. Bon, je sais que certaines personnes ont cru à un moment donné que l'islam endiguerait la déchéance en Occident. Non, hein, c'est ça. D'ailleurs, vers son mec, qui est un musulman, apparemment, il a aucun problème avec ça. Hein. Bah, ouais, les musulmans, ils deviennent de plus en plus gauchistes comme la société, en fait, quelque part. Je sais pas si c'est du gauchisme ou simplement, enfin, je sais pas, mais il a aucun problème avec ça. Parce que la fille, elle a quand même pas un physique super agréable, hein, faut bien le dire. Mais en plus, elle le montre, quoi. Je sais pas. Bah, tu vois, c'est marrant parce que elle veut fêter l'Aïd. Je pense qu'elle doit être, quasiment musulmane. Mais moi, elle me fait penser à un rôti de porc quand je la vois. Je veux dire, avec. Non, mais attends. Non, mais il y aurait un imam qui accepterait ça dans sa mosquée. Je veux dire, non, mais. Bah, avec le voile, tu vois. Mais elle fait arrêter, les gars, elle fait rien du tout. Elle va en boîte, elle se bourre la gueule, et deux heures après, elle va fêter l'Aïd, quoi. En ça, ceci étant dit, il y a beaucoup d'Arabes qui pratiquent comme ça leur religion. effectivement. Mais, enfin, elle est quand même très. Enfin, elle est pas belle, quoi. Faut dire les choses. Non, elle est pas belle, mais elle est très influente. Elle se présente comme une référence sexuelle, une référence. Oui, elle l'est. Elle l'est. Et voilà ça que je veux dire. Je veux dire, maintenant, avec c'est la démocratie qui arrive dans sa phase terminale. C'est-à-dire qu'on va terminer dans l'anarchie la plus complète. Mais il faut quand même réaliser ce dont on parle. T'as une gonzesse qui a, je sais pas quel âge elle a, quoi. Elle n'est pas vieille, hein, cette nana-là. Elle a 20 quelque chose. Elle donne des cours. Hein. Comment bien sucer son mec, pardonnez-moi, avec un objet qui ressemble à un phallus pour bien montrer. Voilà. Ensuite, elle dit, voilà, donc elle se présente en lingerie féminine, voilà, elle déborde de partout dedans, ça l'amuse, etc. Et ensuite, elle passe à la version, ouais, avec mon mec musulman, on va fêter l'Aïd. C'est complètement... on est dans un autre univers. Et ça, le problème de ce truc-là, c'est pas un ovni, aujourd'hui, dans la France 2019. C'est désespérément commun. 349 000 abonnés. Voilà, 350 000 abonnés. Ça fait une grande ville française. Ça fait une grande ville française. Ouais, surtout que ça tranche, comme tu l'as dit, Gandalf, c'est des filles des classes populaires. C'est ça. Qui ont, allez, entre 12 et 18 ans, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. Et donc, elle fait du business là-dessus, etc. Et là, voilà ce qui se passe. Quand on n'avait plus un système autoritaire pour cadrer tout ça, vous arrivez avec ces horreurs-là. Alors, elle touche, à mon avis, elle touche autant... Enfin, elle touche beaucoup de blanches, mais elle touche aussi beaucoup de jeunes filles maghrébines, etc., qui ne demandent qu'à faire n'importe quoi. Parce qu'il faut parler des beurettes aussi, hein, je veux dire. C'est quand même hallucinant. Hein. Je sais pas, peut-être que l'État islamique pourrait un petit peu... Je sais pas, il y a peut-être des choses à faire. On peut leur donner peut-être un petit califat en France. Rubrique numéro 3, mes amis, avant de faire une pause musicale, c'est le droit tard de la semaine. Je dois dire qu'il est de haute volée, celui-là. On va aller à Thionville, c'est le républicain Lorrain qui nous en parle. Voici le titre de l'article. Haine et racisme dans la rue et sur Facebook, prison ferme. Alors, je commence l'article. Moi, je suis au FN, je ne courberai jamais les chines. Ça promet. Le prévenu, tout juste 50 ans, vient d'être convoqué devant le tribunal correctionnel de Thionville pour injures racistes et provocation publique à la discrimination raciale. Face au magistrat, il en a fièrement remis une couche, sourire aux lèvres, propos odieux en bouche. Michel Montpeur a pris 15 mois ferme. L'affaire remonte au mois d'août 2017. En fin de journée, ce Florangeois roule en tricycle le long de la Moselle à Thionville. Puis il tombe sur des barrières qui l'empêchent de poursuivre son chemin. Qu'à cela ne tienne, il les pousse. Un homme qui se trouve à proximité, employé sur les activités nautiques, l'interpelle sur son geste, et ça dégénère. Il raconte que le type en tricycle a commencé à l'insulter de sale bougnoule, entre autres. Alors, notez que j'aime bien l'article du Républicain Lorrain, parce qu'il dit « le type en tricycle ». Donc c'est le prévenu en question. Bon. Il y a un petit aveu de la part du plumitif, là. Alors, des témoins assistent à la scène, hébétés. Ils confirment les propos de la victime. L'auteur présumé, lui, nie. Il prétend au contraire qu'il a été pris à partie, traité injustement de raciste, et qu'il s'est fait cracher dessus. Il confirme toutefois les écrits ignobles publiés dans la foulée sur sa page Facebook, accessible à tous à l'époque. Il y décrivait certains témoins de la scène comme, je cite, « des blancs à vomir, des collabos de l'État islamique ». Il invitait les personnes d'origine arabe à, je cite encore, « retourner dans leur pays », avant de les traiter de « vermine ». La solennité de l'audience correctionnelle ne l'a pas impressionné pour autant. Le prévenu ne s'est pas privé de nouvelles remarques racistes. « J'assume tout ce que j'ai écrit sur Facebook », ajoute-t-il avec mépris. Mais cela devrait lui passer. Michel Montpeur a désormais limité l'accès à son compte Facebook. Le tribunal de Thionville a été au-delà des réquisitions du ministère public. Cet homme ne comptait qu'une amende routière à son casier jusqu'ici. Mais les magistrats ne lui ont pas accordé de sursis. Ils ont même ajouté une amende de 1 500 € à la peine de prison ferme. L'intéressé a fait appel. Alors voilà, en gros, il a... Enfin, lui nie le fait d'avoir tenu des propos racistes lors de l'altercation, précisons-le. Hein. Mais il aurait tenu des propos racistes, donc là, c'est parole contre parole. Des témoins sont là, il évoque des gauchistes, ce que j'imagine très bien. 15 mois de prison ferme. 1 an et demi de tôle. Il n'y a même pas de coup, hein. Voilà, c'est échange de mots. Et ensuite, sur Facebook, il dit, voilà, j'ai été alpagué par ces ordures de crouille, machin. 15 mois de prison. Ben, dis-moi, la justice, c'est... Tendre le muscle de temps en temps. Oui, hein, vous croyez que la justice était laxiste Oui, non. Non, ça dépend pour... Ça dépend pour qui. Qui veut... Me parler un peu de ça. Moi, je tiens à féliciter quand même Michel Montpeur, là, qui ne s'est pas démonté face à toute cette vermine, toute cette magistrature rouge. Il ne s'est pas démontré. Alors, il a pris 15 mois, mais par contre, il a gardé son honneur. Voilà. Bon. Selon où vous placez votre, ce qui est important pour vous. Mais moi, je tire mon chapeau à cet homme-là qui ne s'est pas démonté et qui, pour le coup, on parlait de virilité, en a fait preuve. Hein. Il a fait preuve de courage, de virilité. Il n'a pas baissé les yeux. Hein. C'est bien, ça. Qui d'autre veut m'en parler, là? Bah ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport au manque de courage et autres. Bon, ben là, pour le coup, tu as des exceptions. Quoi, hein, le type, bon, il en a marre. On vient le faire chier, en plus, à la menée. Il y avait sûrement d'autres trucs à faire que d'aller devant des juges pour se faire tirer les oreilles. Bon, ben voilà, le type, il arrive en mode « je vous emmerde ». C'est, ma foi, bon, c'est pas forcément la chose à faire quand on passe à son intérêt de prime abord, mais ça doit faire du bien, hein, tout de même. Bah, le but, là, c'est en fait, on parlait de là, vraiment... C'est l'intimidation, quoi. Le type ne s'est pas laissé intimider. Moi, je pense que ça va au-delà de ça, c'est la domestication de l'homme blanc. Oui, c'est-à-dire qu'on te dresse avec la punition, la récompense. C'est ça. Donc t'as la chicotte, puis t'as le petit biscuit, si jamais on fait ce qu'on te dit. Donc s'il avait dit « je suis désolé », etc., il aurait pris du sursis. 6 mois de prison avec sursis, ou 12 mois de prison avec sursis. Et là, en fait, ce qui doit probablement être pour l'essentiel des magistrateux, n'ont pas toléré l'atteinte à leur... à leurs chers Arabes, hein, quand même, hein, qui sont quand même des gens... qui sont quand même des gens tellement adorables, les Arabes. Hein. Ce sont des gens qui sont tellement adorables. Bon, puis, quand même. Dire pour une fois qu'elles en trouvent un, elles vont pas le lâcher. C'est toujours la même chose. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à longueur d'année, c'est leur petit protégé qu'elles doivent sanctionner. Donc, alors là, par contre, il y a une imagination foisonnante pour trouver, comment dirais-je, toutes les excuses possibles et imaginables pour épargner la prison... à tous les bougnoules qui défilent là devant elle, hein. On a des cas nombreux, 50 mentions au casier, 40 mentions au casier, enfin c'est vraiment courant. Et alors là, il y a toujours des trésors d'imagination, réinsertion, programme, assistance, tout, bon, voilà. Alors là, il y en a un, lui, on s'est bien précisé, hein, le type, il a un casier clean de chez clean. Clean de chez clean. Hein. Bam, 15 mois ferme. Bon, déjà, ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller, je veux dire, que ce soit aussi brutal. Qu'est-ce qu'on a voulu envoyer comme message? Eh bien, on a voulu envoyer un message à Michel Montpeur et à ceux et qui blanc, liraient, et au blanc en général qui liraient l'article. On a voulu leur faire savoir ce que ça coûtait de ne pas baisser les yeux devant un arabe en France. Ça coûte 15 mois ferme. Et ce sont les magistrats, eux, qui vous le disent. Et les magistrats en France, hein. Tous les magistrats sont pas comme ça. C'est combien pour Salle Blanc? Tu prends combien pour Salle Blanc? Faut demander à notre ami le rapport. Ouais, faut demander. Je crois que c'est 2 ou 3 000 euros d'amende avec sursis. Voilà. Mais par contre, on est quand même dans un système suprémaciste blanc, néocolonialiste, paternaliste, je veux dire, qu'il faut déconstruire. Hein. D'urgence. Voilà. Bon, dystopie. Enfin bon, vraiment, là, c'est soviétique. C'est soviétique. Là, de toute façon, ça devient soviétique. À partir du moment où on vous fout en tôle parce que vous avez dit un mot de travers à un bico, c'est soviétique. Enfin, je sais pas ce qu'il faut. L'affaire Merrick annonçait tout. Hein. Tout à fait. Dire, tout à fait. Quand tu vois le jugement que c'est, quand tu penses que le... Comment il s'appelle? Samuel Dufour a pris, je crois... Je me souviens plus, c'est 8 ans, 9 ans, 10 ans, ouais, je sais ouais. Pour ne pas avoir touché Clément Méric, tu te dis vraiment que c'est du délire. Mais non, ça, on y est, voilà, c'est la France. Je vous invite à regarder tous les ans, il y a une photo des juges qui sortent de l'ENM, de l'École nationale de la magistrature. Et vous avez tout compris, hein. C'est que des gonzesses, quelques mecs totalement bêta, et dites-vous qu'elles ont... C'est pas de la revanche sociale qu'elles ont, parce que je pense que c'est globalement que des filles de profs ou de la bourgeoisie. C'est une idée de revanche sexuelle et raciale. Voilà. Le terme de revanche n'est pas approprié, puisqu'elles n'ont pas souffert de... Bah, en tout cas, celles-là ne peuvent vraiment pas parler d'oppression. Puisque par définition, ce sont des femmes qui sont nées, si elles sortent aujourd'hui des écoles, ce sont des femmes qui sont nées dans les années 90, pratiquement. Bon, si c'est patriarcal en 1990, vous voulez... Elles en sont persuadées, tu vois. Elles elles sont persuadées, tu vois, comme les femmes des catégories populaires ont été persuadées de vivre, enfin d'avoir vécu, que leurs ancêtres ont vécu les mêmes problèmes que les bourgeoises ont vécu au 19e siècle, bah c'est la même chose. Elles sont persuadées d'avoir vécu l'oppression patriarcale qu'elles n'ont jamais connue. Le truc qui est dramatique, c'est que les juifs ont réussi à tordre l'instinct maternel chez la femme blanche au profit de toutes les minorités qui veulent assassiner l'homme blanc. Donc ce sont les minorités raciales très essentiellement, bien évidemment le juif tout en haut, mais aussi les déviants sexuels de toute nature. C'est quand même particulièrement pervers et particulièrement efficace. Et donc, toutes ces femmes qui sortent des écoles de magistrature et qu'on va retrouver ensuite disséminées dans les parquets, j'aime autant vous dire qu'elles vont faire du zèle. Hein. Elles vont faire du zèle. Alors, quand elles tombent sur un mâle blanc de 50 ans, vous savez, il y a le fameux mâle blanc de plus de 50 ans. Ça revient tout le temps, ça. Le mâle blanc de plus de 50 ans. Je ne sais pas pourquoi 50 ans, pourquoi pas, je sais pas, pourquoi pas 45. Bon, je me suis toujours posé la question, pourquoi 50 c'est vraiment l'archétype de celui qu'il faut détruire, quoi. Et bah, c'est ce qui c'est. Voilà. Mais il a été un mâle jusqu'au bout. Et il a résisté héroïquement, bah, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Ça me fait pas plaisir le verdict qui tombe sur lui, mais au bout d'un moment, pourquoi s'étonner qu'un système nous écrase dans ces circonstances-là? Moi, c'est pas que je pousse à devenir un kamikaze, je pousse à rien. Chacun choisit, chacun fait ses choix. Mais faut pas être étonné que le système nous traque autant quand il y a aussi peu de répondants, comme c'est le cas actuellement. S'il y avait plus de Michel Montpeur à chaque fois qu'on se faisait emmerder par les flics et par les magistrats parce qu'on a dit un mot de travers à un juif ou à un arabe, si à chaque fois le mec arrivait dans le prétoire en disant « Et alors, moi, vous avez un problème avec ce que j'ai dit ?» Vous voyez, si à chaque fois ça se passait comme ça, si à chaque fois il fallait mettre un an et demi, j'aime autant vous dire que ça s'arrêterait très vite. Parce qu'il n'y a pas assez de place dans les tôles. Voilà, ça s'arrêterait très très vite. Donc le problème, c'est que comme il n'y a pas assez de Michel de Montpeur, justement, ils se disent « On peut y aller, on a carte blanche. » Et comme ils voient par ailleurs que les minorités raciales sont très agressives... Aller contre l'État, la loi, etc., c'est très peu que... comment dire... Ouais, c'est très peu quelque chose que font les Blancs, quoi. En tout cas... Oui, c'est pas dans leur mentalité, mais enfin, quand le système est, pour le coup, pratique, véritablement, une politique de ségrégation et d'oppression contre les mecs Blancs, et puis en plus qu'on est qu'au début, au bout d'un moment, il faut relever la tête, quoi. Tout à fait. Si on t'écrase les pieds, au bout d'un moment, tu vas l'ouvrir. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vas l'ouvrir. Donc... Alors je comprends, hein, après je suis pas en train de dire « Ouais les gars, allez chercher spécifiquement les emmerdes par tous les moyens possibles. » Comme je dis, chacun après voit midi à sa porte. Mais ça me fait plaisir de voir quelqu'un comme ça qui baisse pas les yeux, qui tient tête à toute cette mafia, quoi. Voilà. L'exemple par l'absurde presque. Hein, quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur ce cas, sur notre droitard de la semaine? Alors je précise qu'il va pas en prison encore, hein, il a fait appel. Donc c'est suspensif. Donc il y aura un autre procès en appel, et on verra par la suite. Je pense qu'on aura d'autres échos de cette affaire. Tiens bon, camarade. Tiens bon. Personne d'autre? Bon, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 24. Alors, on va passer à la rubrique suivante, numéro 4, c'est la salle juive de la semaine. Ça nous manquait un petit peu, enfin pas vraiment, mais bon. Ça se passe à Auxerre, c'est une rescapée des camps de concentration nazis. Lili Lignel Rosenberg, qui s'inquiète du nationalisme ambiant. Alors, c'est Lyon, Lyon républicaine, je crois, qui... Tous ces journaux sont républicains, c'est étonnant. Ou juifs. C'est interchangeable. Donc, elle s'inquiète du nationalisme ambiant, et donc elle témoigne, elle s'exprimait auprès de, donc, de 700 collégiens. Alors, je vous livre l'article. Lili Lignel Rosenberg est l'une des dernières survivantes des camps d'extermination. Ça me fait toujours marrer, moi, survivante, extermination. J'ai toujours eu un... Bon, c'est moi, sûrement. De passage à Auxerre, vendredi 7 juin, elle s'est confiée, tout en dignité, sur son expérience et sa revanche sur les nazis, face à 700 collégiens de l'Auxerrois. 2 heures, debout, son rouge sur les lèvres, son dynamisme inlassable et sa mémoire intacte malgré ses 87 ans. Devant 700 collégiens iconais, Lili Lignel Rosenberg a témoigné de l'horreur qu'elle a à l'âge de 11 ans et sa famille vécue dans les camps d'extermination de Ravensbrück et de Bergen-Belsen en Allemagne. Témoignage. Et là, en fait, le journal lui pose des questions. Qu'est-ce qui vous pousse à venir raconter votre histoire aux jeunes générations ? J'ai la conviction d'avoir une mission à remplir. Malgré mes 87 ans, j'ai encore la pêche et je n'hésite pas à me déplacer dans toute la France, de la Bretagne à l'Aveyron, en passant par Lyon ou Tours, et maintenant Auxerre. Des déportés, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Je suis la seule à pouvoir encore témoigner dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle est originaire de Roubaix, nous précisons. Il me semble indispensable de le faire, sans fin, et qu'un maximum de jeunes entendent ce témoignage de paix et de tolérance, et sachent qu'il y a un remède à tous ces fléaux actuels. Ils doivent comprendre qu'ils seront les témoins après notre départ. Je compte sur eux, ils sont la relève et la France de demain. Alors, on peut peut-être commenter là, vite fait, en passant, là. Elle est originaire de Roubaix. La France oui. De demain, Roubaix, ça vous... Ça, c'est bien, elle a des priorités. Venant de Roubaix, le... Oui. Qui est un émirat indépendant, hein, quasiment. Oui, c'est ça, oui. Sultanat, oui. Excusez-moi. Sultanat. D'ailleurs, j'invite ceux qui sont sur Twitter à suivre le compte Twitter Info Roubaix, qui... c'est un des plus avant-gardistes de toute la France. Un des plus avant-gardistes. C'est un média qui assume totalement son algérisme. Enfin, c'est totalement assumé, quoi. Hein, je veux dire. Algérisme et pas que. Hein. Et pas que, mais c'est très très très très très algérien quand même. Hein. Mais allez-y. Enfin, il y a du Tunisien, tout ce que vous voulez. Mais suivez ça. Vous ne serez pas déçu. Impossible. Alors, petit truc qui m'a fait sauter de ma chaise. Bon, je pense que Fulbert aussi, c'est quand il a entendu que cette dame, enfin ce vieux démon juif, était rescapé des camps d'extermination de Ravensbrück et Bergen-Belsen. Hein, c'est ça. Oui, c'est ce qu'elle a dit, oui. Alors bon, Ravensbrück. De ce qu'on m'avait appris à l'école, hein, il me semble-t-il que les camps d'extermination, il n'y en avait pas en Allemagne. C'était censé être des trucs qui étaient en Pologne. En Pologne, hein. Les autres, c'était des camps de travail. Donc même parmi dans le catéchisme holocaustique, ces camps-là ne sont normalement pas des camps dits d'extermination. Fulbert, est-ce que tu peux me confirmer ça? Oui, je confirme, 100%. Donc, les 12 camps d'extermination étaient en Pologne, comme l'a dit Gandalf, c'est exact. Ouais, donc... T'es exterminé par télépathie. Oui, voilà, c'est-à-dire que ces gens, en fait, c'est les journalistes, avec la juive, oui, rescapés, bon, voilà. Bon, si tant est que le reste existe, mais bon, là en plus, bon, ben, allez, ben, c'est-à-dire, tu as une inflation, quoi. Hein, bon, ben, là, tous les camps. Hein, bon, là, on a mis un juif, camp de la mort. Hop, un juif est passé par là, il n'a pas pu aller aux toilettes à l'heure qu'il voulait, c'était un camp de la mort. Hein, c'est ça. Il y a aussi, donc déjà, oui, ce que tu veux souligner, déjà, c'est que c'est l'inculture crasse des journalistes, ouais, qui même, au terme de l'histoire officielle, sont même infoutus de pointer des incohérences. C'est-à-dire que en fait, Dieu parle, la juive parle. Oui, voilà. C'est la halakha, quoi. C'est la loi juive. Donc, qui sommes-nous pour Alors, il y a aussi, vous rappelez l'histoire de ce juif proxénète de la banlieue parisienne. On en a parlé, on a beaucoup ri avec cette histoire. Oui. Alors, lui, c'était pareil. C'était un survivant de l'Holocauste, mais par défaut. Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il était resté en France, donc il n'a pas été déporté. Donc, il a survécu à l'Holocauste. Ouais. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Il survit sans même foutre les pieds dans les camps. Il survit en chambre à gaz sans avoir mis sans y pieds, avoir été. Les journalistes. Moi, j'ai survécu à un accident de bagnole, je vous raconte pas, les gars. Ouais, ouais. Pareil. Je suis resté chez moi, putain, la vache. C'est terrible. C'est vraiment. Je vais demander des compensations, tiens. C'était la semaine d'avant, je sais plus. T'as une journaliste qui s'appelle Marie-Sophie Hingst, excusez-moi pour la prononciation, qui est en fait une historienne allemande hyper réputée, qui a dit que sa famille avait beaucoup souffert la Shoah, tout ça. Et en fait, elle a tout inventé. Mais c'était tellement gros, en fait, ces mensonges, qu'ils ont été obligés de lui enlever les prix qu'elle avait reçus sur l'Holocauste. Voilà. C'est pour dire Donc c'est une historienne très installée, quoi. Mais elle était juive, alors. Ah oui, voilà, bon, elle dit que sa famille a souffert durant l'Holocauste, donc j'imagine Oui. Elle a un pif et des yeux assez suspects, criminels, j'ai envie de dire. Ah oui, le crime est signé alors. Et alors, ils ont. Oui, mais est-ce que c'est pas quand même un petit peu. Comment dirais-je ? Est-ce que c'est pas quand même un petit peu une réminiscence du nazisme que d'enlever à une juive mythomane ses prix parce qu'elle n'a pas été déportée ? Ah ouais. Quelque part, c'est un peu une deuxième Shoah. C'est une deuxième Shoah, c'est une Shoah de la mémoire. Elle a été traumatisée en fait par l'horreur, la brutalité meurtrière d'Adolf Hitler, et ça l'a fait, raconter sa vérité, qui n'est peut-être pas effectivement la vérité pour tout le monde, mais c'est sa vérité à elle. Il faut comprendre ça. Je vous signale quand même que les Juifs disent qu'ils veulent aussi des compensations pour les petits enfants de déportés, gazés, exterminés, qui survivent. Parce qu'en fait, la souffrance des Juifs se transmet quand même par l'ADN. Oui, ils ont lancé une théorie. Comment ça s'appelle ? C'est le traumatisme, machin, et oui, du coup, ça. Il faut payer longtemps. Faut payer, ça va mieux. Je lis mal l'hébreu. C'est étonnant, c'est quand même un drôle de peuple. C'est un peuple, si vous voulez, il va mal, il a des problèmes psychologiques, il est affligé quand même spirituellement, etc. Mais dès qu'il entend des pièces d'or tomber, il se sent mieux. Ouais. C'est surprenant quand même, non ? Étonnant, enfin, je veux dire, je sais pas, moi j'aurais pu croire qu'il fallait plus d'amour, d'affection, etc. Non, eux, c'est. Tu vois, hop ! Des shekels. Hop ! Voilà. Curieux. Est-ce qu'il est possible de porter plainte contre Lily Rosenberg ? Parce qu'apparemment, elle a envie d'enseigner la Shoah à des gens. Et moi, je trouve que c'est absolument immonde. Parce que je rappelle qu'il ne faut pas se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Mmh. Il a été possible techniquement parce qu'il a eu lieu, voilà. Oui. Y compris à Ravensbrück et à Bergen-Belsen, par télépathie. Partout. Oui. Partout. Partout même, en fait. Groenland, c'est possible qu'il y ait une petite chambre à gaz comme ça qui a été contactée. On ne sait pas. Non, mais c'est-à-dire que c'est... Enfin... C'est magique, travail, en fait, c'est tout. Non, c'est magique, voilà, c'est tout. C'est... Des gens ont voulu faire travailler les Juifs, l'humanité doit... Oui, non, mais ça, c'est le plus grand crime, des Allemands. C'est le fameux crime contre l'humanité. Voilà. Alors, tout ce qui est humain, qui ne l'est pas. Alors, elle poursuit. Quel regard portez-vous sur la montée du nationalisme et des extrêmes aux quatre coins de la planète ? Alors là aussi... Oh, il paye ! Non, mais là, le truc, c'est extraordinaire, je veux dire, aux quatre coins de la planète. Ils ont quand même, c'est quand même les grands propriétaires du monde. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'est-ce que Je te rappelle que ces journalistes s'adressent à Dieu, donc Dieu est omniscient. Oui, c'est vrai. Alors le monde, oui. Qu'en est-il à les élections à les Philippines, qu'est-ce que vous faites là pour les Philippines? Attendez les gars, mais la réalité dépasse la fiction. Ils ont fait une sonde spatiale là, où ils voulaient parler de la Shoah. Même en dehors du monde, tu vois. Pouf, partout. C'est ça, c'est ça. Alors le truc, du coup, comme c'est une espèce de français, enfin que les juifs sont omniscients, etc. En fait, la journaliste aurait carrément dire. Et alors, le réchauffement climatique, est-ce que... Pulbert, vas-y. Ben oui, je rebondis sur ce que vient de dire, je crois, Pierrot. Ils ont envoyé une sonde, effectivement, mais apparemment, cette sonde n'a pas survécu à l'Holocauste. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'est crachée, la sonde. Ils n'ont pas pu délivrer le message. Non, mais vous imaginez, ils ont quand même essayé de saloper la Lune, quoi. La Lune. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ils ont envoyé une sonde il y a quelques mois où il y avait à bord un drapeau israélien, hein, et il y avait, je crois, des témoignages écrits de l'Holocauste, etc. Enfin, mais ces gens sont malades. Ce sont de grands malades. Et alors, eux, ils veulent, je vous assure, s'ils en avaient le pouvoir, ils mettraient une stèle avec les 485 millions de juifs exterminés entre, comment dirais-je, 1282 et 2018 par Adolf Hitler, sur le dernier caillou de la galaxie. Ils sont fous. Non, mais moi, j'avais vu ça devait être sur Twitter ou Facebook, je ne sais plus, parce qu'il y a déjà un petit moment, un an ou deux, trois ans peut-être, un type qui avait fait un dessin qui représentait une espèce de parallélépipède, un petit peu comme ce bloc noir de 2001 de cet espace qui se trouve en orbite autour de la Terre et sur lequel il était inscrit « Souvenez-vous des 6 millions ben, ». C'était prémonitoire. Hein. Bah, déjà, ils l'ont fait à Berlin, je veux dire. Ouais, mais enfin, mettre ça dans l'espace pour... hein. Bah déjà, moi, si tu veux, Berlin, moi, je le digère pas. Je veux dire, cette horreur sera démontée à un moment ou à un autre, quoi. Je veux dire, ça prendra... les colonnes à la con, hein. Ah, ça sera démonté. Parking. Ça sera un parking ou des camps d'activité. On pourra imaginer des choses, mais ce truc sera arraché. Hein. Voilà, oui, tant que aussi, les Américains... Voilà. Il y a aussi autre chose qui me frappe dans cette histoire, c'est que les survivants vieillissent. Ils vieillissent très bien déjà. Hein, oui, très très bien. Et ensuite, bah, moi je parle, c'est mon âge qui me fait parler. Je sais qu'avec le temps, avec les décennies qui défilent, eh bien, on se calme. On a moins de feu dans le ventre, on est moins spontané, plus réfléchi. Voilà. Ces gens-là, plus ils vieillissent, plus ils sont rageux, rabiques. C'est assez extraordinaire. Je me demande si ce n'est pas une particularité de leur secte. Est-il besoin de rappeler le cas de cette vieille loupine de l'orchestre d'Auschwitz qui était allée... Y avait-il un orchestre à Auschwitz ? Oui, il y avait un orchestre. Il y avait une loupine déjà. Donc, Il y avait des orchestres de juifs dans un camp de la mort. Hein, bon, oui, hein. Non mais attendez, c'était pour couvrir les cris des victimes. Oui, comme... comme dans le film Sergio Leone, c'est ça, ouais. C'était pour encourager l'équipe de waterpolo. Oui. Mais ouais, donc une vieille... Oui, parce que les gens l'ignorent, mais il y avait une piscine à Auschwitz. Ouais, une piscine. Il y avait aussi un club de foot à Auschwitz. Oui. Mais un club de foot de la mort. Club de foot de la mort, ouais, c'est ça. Et donc l'orchestre et la vieille Lupine est allée au Parlement allemand... Pour dégueuler sur les Allemands. Alors oui, c'était après l'entrée au Parlement de l'AFD. Et ouais. L'AFD, donc Alternative für Deutschland, donc qui veut dire Alternative pour l'Allemagne, que nos auditeurs doivent connaître, qui est en fait le parti populiste allemand, qui se situe dans un étiage plus ou moins de 15% en Allemagne. Ça dépend des Landes, hein. Là en Allemagne de l'Est, ils cartonnent en Saxe, ils sont donnés à 25, dans le Brandebourg, ils sont à 25. Bon, ça marche très fort dans l'Est, moins dans les grosses villes cosmopolites comme Cologne, etc. Mais enfin, ils sont quand même présents partout, dans tous les Landes, pour ainsi dire, et ce en 5 ans. Donc, ils ont fait leur entrée au Parlement national allemand, au Bundestag, quoi. Ouais, je sais plus quand c'était, c'était quoi, hein. 2018, ouais, voilà. Donc c'est quand même très récent. Ça a même marqué, moi, si tu veux, quand cette vieille Lupine est allée au Parlement. Alors, bon, pourquoi elle est allée là, c'est pas faux. C'était à l'initiative en fait du gouvernement d'occupation juif qui contrôle l'Allemagne, c'était pour signifier aux populistes et par procuration au peuple allemand, qui pourrait être tenté de voter populiste, que la guerre n'était pas terminée. Voilà. Et que le programme irait à son terme. Le programme à son terme, pour ceux qui s'interrogent, c'est le même programme qu'en France, c'est quand il n'y aura plus d'Allemands en Allemagne et qu'il n'y aura plus de Français en France. Hein. C'est, ouais, bon, c'est si vous jamais par hasard vous posez la question, c'est quoi le programme regardez. On revient à Rosenberg, hein. Elle est de Roubaix, ce qui l'inquiète, c'est que des Blancs respirent encore en France. Hein. D'accord, bon, elle est à Roubaix. Et du coup, ils avaient fait venir cette vieille youpine haineuse qui était venue vomir son fiel avec sa gueule de vampire possédée par les pires démons des enfers. Elle était venue là les menacer, les 90 députés de l'AFD. Et leurs électeurs. Avec une haine pas possible. C'est-à-dire que tu vois une terrible vieille de 90 ans menacée. Qui menace les députés, qui menace les Allemands. Et sous les applaudissements. Le truc était vraiment dramatique, c'est que l'AFD, compte tenu de sa position, c'était difficile pour eux de ne même pas applaudir cette vieille juive qui était venue leur cracher dessus. Ouais. Parce que là-bas, le poids du truc, donc simplement le fait à Auschwitz, etc. Moi, personnellement, j'aurais été un député, je sais ce que j'aurais fait. J'aurais pris un paquet de chips. Hors de question d'applaudir une sale youpine qui veut assassiner les peuples d'Europe, mais tout ça pour montrer que soi-disant survivants, machin, qu'on nous exhibe pareil partout, peu importe les nations, c'est le même programme. Oui, et puis non, comme dit Fulbert, aucune sagesse. C'est-à-dire qu'ils ont une haine, pour le coup, rabique. Hein, ils fermentent avec l'âge. C'est ça, c'est de pire en pire. Au plus ils sont vieux, au plus ils se lâchent. Voilà, j'arrive au Parlement comme ça parce que je l'ai demandé. Ils ont les clés déjà, ça aide. Ceci étant dit, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, parce que au final, là, c'est quand même quelque chose, parce qu'on les voit, ils sont triomphants à la télévision, je veux dire, en France, je sais pas, il doit y avoir un truc sur l'Holocauste toutes les semaines, minimum toutes les semaines, je pense, en France, d'un biais, d'un autre, il y a un truc. C'est pareil en Allemagne, hein, je veux dire, si vous interrogez, vous posez la question, c'est même pire en Allemagne, c'est bien évidemment pareil en Belgique, bon, je parle sous le contrôle de Fulbert, je connais pas la fréquence, mais en tout cas, en France, c'est très fort, Arte, c'est la chaîne de l'Holocauste, mais bon, Bernard-Henri Lévy la supervise, c'est pas pour rien. C'est pas une image, hein. Bernard-Henri Lévy est vraiment dans la direction d'Arte, quoi, je veux dire. Donc, bon. Mais il y a un phénomène qui est quand même en train de se dérouler, c'est que comme elle dit cette vieille youpine, tous ces soi-disant, ces reliques-là de l'Holocauste, là, disparaissent. Regardez, Elie Wiesel, il a canné. Le cinéaste là, de ce truc horrible là, qui dure 8 heures, comment il s'appelle, Shoah, c'est ça que ça s'appelle, non? Lanzmann, bon, qui était un satyre du dernier calibre. Il a même touché en Israël des juifs du personnel de l'aéroport à Tel Aviv. C'est pour vous dire le déglingué complet, à tel point que quand il est mort, les gens qu'il connaissait vraiment ont eu du mal à dire du bien de lui. Il y a eu quand même des mecs qui ont, même des juifs, hein, qui ont dit, ouais, mais bon, Lanzmann, quand même, il y avait des problèmes avec ce bonhomme, tu vois. Et le mec était un Strauss-Kahn numéro 2, quoi. Bon, il est crevé. Qu'est-ce qui reste? Quand les Klarsfeld, ils vont clamser, qu'est-ce qui va rester? Mais attends. La Simone Veil, elle a claqué. Ça fait des enfants, tout ça. Regarde. Oui, non, mais c'est pas pareil. Claude Lanzmann. C'est pas pareil. Entre mon père m'a dit et j'ai vu de mes yeux, c'est pas pareil. Tu comprends? Et ça les inquiète. Parce qu'en fait, ça aussi c'est un phénomène générationnel. Non seulement leurs momies sont en train de claquer, ils ont beau hein, boire du sang de bébé chrétien à la Pâque, ça les protège pas du caveau, hein, comme les autres. Et donc ils y passent tous. Donc, comment ils donc vont faire le niveau baisse, ils vont... compris chez les élites juives. Même oui, chez les... Prenez les Klarsfeld. Regardez les parents, regardez le gosse. T'as Attends, Arnaud, je fais une couche. Hein. Bon, bah voilà. Bon, et quels, si sont vos faits, quels sont vos faits? Voilà, imaginez, c'est Arnaud Klarsfeld qui va tenir la flamme de la mémoire à la place de ses parents. Bah, ils sont pas arrivés, j'aime autant vous le dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un phénomène générationnel, à la fois chez les fameux faux témoins qui survivent dans les camps d'extermination d'Allemagne qui n'ont pas existé, et les boomers qui ont avalé ça, mais avec le lait de leur mère, quoi. Vous savez, il y avait ce ministre israélien qui avait dit que les Polonais avalaient l'antisémitisme avec le lait de leur mère. En France, c'est le philosémitisme que les gens avalent avec le lait de leur mère. On leur met ça dans les biberons. Les boomers ont avalé ça immédiatement. Ils se sont totalement identifiés à ce mythe. C'est comme Mendit. C'est comme Mendit. Voilà. C'est bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, je ne parle même pas tellement de la nôtre, mais ceux qui sont nés après les années 2000, surtout vu la composition ethnique, ça va faire un gros bim. Hein. Moi, je vous dis, un gros bim. Hein. Bah, surtout, on a parlé, hein, l'humanité, enfin l'humanité. Bien oui. Comprise, oui. Oui, non, mais le. À la vraie. En début d'émission, si tu veux, on a vu ce qu'étaient les gosses là qui foutent n'importe quoi, des espèces de machin, oui. de pattes, quoi, des êtres complètement attachés à rien, fait qu'ils savent pas ce qu'ils font. Donc, Shoah, eux, c'est des morts, l'Allemagne, la Pologne, ils savent pas ce que c'est, quoi. Ça va être trop compliqué pour eux. Donc ouais, là les juges, je sais pas trop comment ils vont faire. Ils vont avoir ce truc là, ce troupeau, ce bétail. Comment ils vont le gérer, à voir. Quoi. Mais c'est important d'insister sur ce facteur générationnel. Nous, on va dire des enfants de boomers. Enfin, il y a dans l'émission, il y a des plus jeunes que ça aussi. Hein. Il y a, mais en gros quoi. Nous, on est né avec ça. C'est-à-dire que quand Bernard-Henri Lévy a commencé tout ce cirque dans les années 70, c'était déjà en place. Et ça a fait partie de la culture officielle. Donc, dans le cinéma, dans les romans, à l'école, Primo Lévy, toutes ces conneries, c'était, voilà, c'est la ligne officielle du parti, c'est la propagande d'État, le cinéma, l'audiovisuel, voilà, ça a été ça pendant 40 ans. On a avalé ça pendant 40 ans. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ça n'a qu'un temps. Mais c'est vrai que même moi, en y réfléchissant, on a l'impression que ça a été là toujours, ce qui n'est pas vrai, et que ça sera toujours comme ça, et c'est pas vrai non plus. Et je crois que les Youpins sont inquiets, parce qu'ils sentent, ils en parlent assez souvent, hein, que dans les villes françaises maintenant, dans les quartiers complètement bougnoulisé de France et de Navarre, parler de l'Holocauste, ça vaut immédiatement « Ouais, les Palestiniens !» Immédiatement, hein, je veux dire, « Ils génocident les Palestiniens, pour vous parler pas de ça, et la colonisation !» Ça, c'est, voilà, c'est, ça coupe court au débat, ils le savent, et le match est plié. Là, pour moi, je l'ai déjà dit, je le répéterai jamais assez, les Juifs en France, alors évidemment, c'est pas très réjouissant indirectement, puisque ça veut dire qu'il y a de plus en plus de bougnoules en France aussi, bien sûr. Mais l'indifférentisme vis-à-vis de cette imposture holocaustique va se dégonfler dans beaucoup de têtes, hein. Que ce soit des enfants immigrés ou fils d'immigrés ou des Français de souche. Ça va se dégonfler, hein. Je veux dire, faut pas rêver. Hein. Oh, ça a déjà commencé. Hein. Méditez là-dessus, hein. Officiellement, la loi, elle est intangible, on est d'accord. Officiellement, j'entends. Donc la loi Guesso, elle est censée s'appliquer pour les 300 prochaines années. Officiellement. Pourquoi je dis ça? C'est pour qu'on... Dans l'esprit des gens, la loi Guesso, elle est là pour toujours. Les Juifs sont là pour toujours. La vénération devant l'idole de l'Holocauste, c'est là pour toujours, c'est là pour les 500, 1000, 2000 prochaines années, officiellement. Hein, parce qu'ils nous présentent ça comme une espèce de truc intemporel, incontournable, c'est ce qu'ils nous disent, hein. Je sais pas comment ils ont des formules comme ça, l'indescriptible et l'imprescriptible, hein, quelque chose qui est imprescriptible. C'est bien, voilà, l'imprescriptible. C'est ça, l'imprescriptible et l'indicible. Sauf que c'est pas vrai. Imaginez, comment ils vont essayer de convaincre, imaginez dans la France de 2050, je vous laisse je vous donne une idée de ce que ça va ressembler. Hein. Ils vont pouvoir embastiller des gens parce qu'ils auront dit qu'ils croyaient pas dans le mythe des chambres à air. Bah, il faut un appareil répressif. Si t'as pas d'appareil répressif, tu peux avoir toutes les lois que tu veux, ils ne feront rien. La sociologie française, alors pour le coup, sociologie et raciologie française aura tellement été bouleversée que non, les musulmans, ils seront arrivés trop nombreux. Parce qu'on peut, avec les blancs domestiqués, castrés, dont on a parlé en début d'émission, on peut éventuellement faire durer un peu le plaisir. Avec les bougnoules, etc., ça ne marchera pas. Et ils seront tellement nombreux que ce ne sera plus possible. Ouais. Et à un moment donné, les pouvoirs publics, ils vont lâcher, ils vont céder, ils vont dire « Mais non, c'est trop d'histoire, c'est trop d'ennuis, etc. » Et ce que je veux dire, et j'insiste bien sur ce point-là, pourquoi les pouvoirs publics font ça aujourd'hui? Pourquoi il y a une telle répression sur cette question-là? Pourquoi ils mettent tellement l'emphase? Pourquoi il y a le dîner du CRIF et tout ce grand fatras? C'est le chant du cygne des boomers juifs. C'est le chant du cygne des boomers juifs. Il n'y a pas que les boomers goy, il y a les boomers juifs. Oui, tout à fait. Non, c'est je pense que c'est une question de quelques dizaines d'années avant que ça ne ressorte sous une façon ou une autre. Pas beaucoup, mais les boomers, c'est 20 ans au maximum, quoi. Ouais, mais je veux dire, au niveau... Ouais, enfin, au niveau des populations, hein, des nouvelles populations, ça va arriver. Mais ce ne sera pas sous la forme que Renoir ou Forisson ont développé. Hein. Ça se fera... En fait, c'est instinctif chez eux. C'est-à-dire que moi, pour me rendre compte de l'inanité totale de la théorie de la chambre à gaz, ça a pris beaucoup de temps. Ah, en plus, à une époque où Internet se développait tout juste... Mais j'ai bien constaté que dans le public de Dieudonné, il y a des gens qui ne connaissaient pas ces théories, mais pourtant ils n'y croyaient pas, et ils n'y ont jamais cru, parce que c'est leur environnement familial qui voulait ça. Et ça va se développer. Je pense aussi que, je veux dire, quand tu développes une propagande qui est basée sur des films de 8 heures à une génération qui a l'attention d'un poisson rouge, ça peut pas le faire. Je veux dire, les jeunes, ils ont une... Enfin, regardez un peu les vidéos de YouTube, les plans changent toutes les 3 secondes parce que il faut attirer l'attention en permanence, sinon les gens partent ailleurs. Tu fais voir Claude Shoah un gamin, et il te dit mais qu'est-ce qu'il veut ce con, il veut ma mort. Il capte pas, tu vois. Bon, pour lui, parce qu'il faut quand même un minimum de caution intellectuelle et même d'empathie. Une empathie toute chrétienne qui est celle qui vient du péché originel pour te vendre la Shoah. Bien sûr. Les juifs ont très très bien conscience, et ils ont très très bien conscience que la faille du blanc, c'est sa capacité à culpabiliser pour tout. Le péché originel, maintenant, c'est la chambre à gaz. Je ne sais plus, j'ai entendu un juif dire « l'Europe ne croit plus du tout au péché originel ». C'est absolument faux. Le péché originel, c'est plus la pomme, c'est la chambre à gaz, c'est le Veldiv, c'est tout ce que vous voulez, c'est nous sommes tous de potentiels nazis comme nous sommes tous de potentiels pêcheurs. Une fois que cette génération va disparaître, bah, ce sera ouvert. Shoah Ananas, c'est faux, souffrance des Palestiniens, tout ce que tu veux, quoi. Mais je pense qu'ils en ont pour... 15-20 ans avant que les jeunes commencent à s'habiller en pyjama. Ce serait marrant. Moi, je leur donne 10 ans à tout casser. 10 ans à tout casser. 15 en tirant. Mais en tirant beaucoup. Ouais. Hein. Et oui, ils vont devenir vulnérables. Ils vont avoir une sale fin. Hein. C'est pas pour moi. Je m'en félicite. J'attends. Oui, moi aussi. Mais c'est vraiment un... Non, mais parce que... Ça, c'est. J'aimerais que nos auditeurs s'habituent à entraînent leur sens de la perception et de la compréhension et de l'analyse pour qu'ils soient dynamiques. Les choses changent, les choses bougent, les choses mutent en permanence. Et même si on est d'une génération et qu'on a des habitudes et qu'on a tendance à percevoir que des choses sont là pour toujours, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il faut vraiment s'habituer à ça, à observer les changements, observer les modifications, regarder les tendances, regarder les nouveaux phénomènes, etc. Et voir s'ils prennent de l'ampleur ou pas. Et en faisant ça, on devine le futur proche. C'est très intéressant. Et je comprends qu'ils paniquent totalement et qu'ils prennent toutes les lois d'exception, parce que quand on regarde là les lois qu'ils prennent, je veux dire, et les dispositifs, que ce soit, vous savez, la DILCRA, plus tout ce que fait la LICRA déjà, l'UEJF, ce que font les juges, les lois qui sont prises, l'activisme de gens comme Schiappa, bien sûr, mais aussi les potiers, tous ces gens-là, quoi, je veux dire. Il y a une fébrilité qui traduit un désespoir profond, et ils ont raison d'être désespérés, parce que moi, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Oui, là, ils sont tous en train de se frotter les mains, parce qu'ils sont encore du côté du manche au niveau institutionnel, mais c'est le dernier truc. C'est le dernier truc qu'ils ont. S'ils n'étaient pas, inquiets de l'évolution de la société, ils n'auraient pas eu le, comment ça s'appelle, la farce du procès Méric. Ils n'auraient pas eu la DILCRA, ils n'auraient pas eu la commission d'enquête sur les violences extrêmes. On a parlé, quoi. Il y aurait des violences d'ultra-droite en France. Ou, je sais pas. Il y a une commission d'enquête qui a duré des mois. Pour parler de rien. Mais bon, pour au final dire, bon, il n'y a rien, mais bon, on va quand même verrouiller. Parce que c'est pas les actes à proprement parler qui leur font peur, c'est la tendance qu'il y a à ce que la population présente en France ne soit plus subjuguée par le mythe de la Shoah. Tout à fait. Alors, et poursuit, on revient à l'article. Quel regard portez-vous sur la montée du nationalisme et des extrêmes aux quatre coins de la planète? Bon, ça, je l'avais dit. Le nationalisme est pervers, parce qu'il y a du chômage, de la misère. Il joue sur le malheur des gens. Il s'illusionne et se laisse prendre par des discours portés par des dirigeants politiques qui savent s'exprimer, à l'image d'Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on revient à Adolf Hitler. J'ai cru qu'elle allait parler Netanyahou, moi. Je me suis gouré. Y a un nationalisme qui passe partout, c'est Israël. Hein. Je veux dire, c'est extraordinaire. J'ai rien contre le nationalisme en général, mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a une vieille youpine qui vient de Roubaix, encore une fois, j'insiste lourdement, qui fasse le procès du nationalisme des jeunes blancs en France. Des jeunes blancs en France, hein. Parce qu'ils pourraient éventuellement se sentir un peu menacés, sait-on jamais, par donc ce déferlement. Par contre, visiblement, il y a un angle mort dans sa réflexion qui est quand même le seul véritable État nationaliste que l'on puisse observer aujourd'hui entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, qui est l'État d'Israël. Oui. C'est le seul État qui est ce qu'on pourrait appeler vraiment, même d'ultra-nationaliste. Il n'y a pas d'autre exemple de nationalisme actif. Je crois pas qu'il y en ait d'équivalent. Ouais, peut-être la Chine, éventuellement. Non, mais je veux dire, dans cette région, je veux dire, vraiment... Ah, non. Et puis qu'il y ait des prétentions sur les autres, en plus, vous voyez, parce que Turquie, on pourrait me dire, oui, mais je sais pas, l'Arabie Saoudite, etc. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas expansionniste. Alors, il y a le djihadisme, etc., ça, c'est autre chose, c'est des réseaux qu'ils utilisent pour déstabiliser ça, mais c'est pas des gens qui disent, voilà, on va agrandir nos frontières, on va aller prendre le territoire du voisin, on va envoyer l'armée, les populations qu'on va dominer, on va les foutre dans des camps. Ça existe pas. Regarde, dans la commission qui enquête sur les violences d'ultra-droite, ta meilleure Habib, qui est un militant nationaliste israélien. Ouais. C'est exceptionnel. Qui avait tabassé des nationalistes français il y a plusieurs années. Plusieurs décennies, je crois. Hein, ça fait une vingtaine d'années, un peu plus. Ouais, lorsqu'il était au Beta, et bien entendu, il est allé se planquer en Israël, et puis il est revenu tranquillement, sans que ça... Pas de problème. Donc oui. En précisant, d'ailleurs, Yvan Benedetti, qui avait été une de ses victimes, avait précisé qu'il lui devait toujours, au titre du dédommagement pour terroriste, 200 000 francs. Enfin, le fonds de terroriste devait le dédommager de 200 000 francs. Enfin, ouais. Là, Yvan Benedetti peut préciser tout ça. Mais on doit de l'argent à Yvan Benedetti pour avoir été la victime du terrorisme nationaliste juif représenté par Meir Habib, qui est dans la commission de lutte contre l'extrême droite en France. Enfin, je ne sais pas, voilà ce que c'est aujourd'hui la France. Voilà où on est l'hébraïsme en France. Hein, voilà. C'est ça. Et cette commission, d'ailleurs, je tiens à le souligner, qui était présidée par la France Insoumise. Donc les ultra-pro-palestiniens de... oui, bien sûr. Je me définis pas comme un pro-palestinien, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand on voit cette gauche mélenchoniste, maçonne, qui passe son temps à essayer de caresser les bougnoules dans le sens du poil, et puis en fait, au niveau institutionnel, qui sont mielleux devant les juifs, et, oh là là là, et puis devant Meir Habib, le porte-parole de Netanyahou. Alors, les trois quarts des incidents de la fameuse ultra-droite qui sont rapportés dans le rapport, c'est des étudiants, à mon avis tous blancs, qui sont pris des claques par des étudiants qu'on avait ras-le-bol des blocages. C'est juste ça. Ouais, non, voilà. C'est vrai que si on compare ça à des raids de F-16 sur des camps à ciel ouvert, bon, on voit où est la violence, tu vois. Non, mais c'est incroyable, quoi. Alors bon, elle enchaîne, hein, donc je le dis, il y a un angle mort dans la... Oui, un petit truc, parce que bon, quand même, hein. Le nationalisme est pervers. Bon, bien entendu, c'est le nationalisme des Blancs. Oui. Moi, il me semblait que c'était les Juifs qui étaient pervers, hein, particulièrement. petit coucou Hervé Ryssen, là... Et inversion accusatoire. On a un beau cas, en espèce. Hein. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est une nationaliste juive, on peut la définir comme ça, hein. Ah bah oui, oui. Une nationaliste juive, voilà, elle défend les intérêts de sa race et elle met tout en œuvre. Alors, elle poursuit. Pour autant, êtes-vous confiante en l'avenir? J'ai toujours été positive et je suis une éternelle optimiste. Je me dis que cela ne peut pas durer. Il ne faut pas laisser faire et avoir le courage de répandre la vérité. Les jeunes générations doivent avoir conscience que l'union fait la force et qu'ils ont les cartes en main pour que le monde change et devienne meilleur. Grâce à eux, il y aura un monde de paix. Donc, de shalom, hein, voilà, shalom, la paix. Il faut répandre la vérité. Alors, pas trop, parce que d'ailleurs, on a pris des dispositions législatives pour que, bon, quand même, on puisse pas non plus dire tout et n'importe quoi. Mais la vérité est un pari risqué, surtout on a parlé de ça, hein, il y a deux formes de vérité. Il y a la vérité sémitique et la vérité arienne. La vérité arienne, c'est la vérité qui s'intéresse aux faits, objectivement. Puis il y a la vérité sémitique, en fait, qui est fluctuante, relative, subjective, et qui est strictement subordonnée aux intérêts immédiats de la plus grande gloire de la race juive. Voilà, il faut... Alors, bon, par contre, des fois, on a le souci, c'est qu'on a du mal à savoir laquelle est la bonne, laquelle on a le droit de dire ou pas. Je pense qu'en France, c'est assez clair, quand même, de savoir qui a le droit de dire la vérité, qui n'a pas le droit. Apparemment, peut-être... Moi, il me semble que... Je crois qu'Étienne Chouard n'a pas bien compris, quoi. Venons-y. Alors, Étienne Chouard était reçu sur Le Média. Vous avez suivi un peu ça? Oui. Alors, je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre, j'y connais rien. Mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute, j'y connais rien. Je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Y a un truc déconnant, là, tu vois. Parce qu'on demande aux gens, d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qu'ils connaissent pas. C'est pas une opinion. Moi, je suis pour qu'ils s'expriment. Mais tu peux pas... c'est pas que t'es un criminel. C'est que, à ton niveau... Non, mais Étienne, à ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait, tu peux me répondre ce que tu me réponds. On est en train de dialoguer. Mais c'est quand même dingue que tu dises que tu... Je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que t'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz? De dire que les négationnistes sont des... Comment dire? Que eux peuvent s'expliquer. Derrick, Étienne Chouard, donc... était sur le site mélenchoniste du Média, j'en parlais. Oui. Donc le Média de la France Insoumise, dont Aude Lancelin, l'ancienne rédactrice en chef, a été évincée, sur pression donc de Mélenchon, probablement parce que Aude Lancelin a été passablement ciblée par la force invisible qui gouverne la France, suivez mon regard. Elle a parlé un peu trop fort du satyre Aziza, notamment. Bon. Je pense que tout ça a mis en colère le Kaal. Et donc, sur cette chaîne, Chouard... Alors, le média, je précise, parce que le média s'est fait le porte-parole des Gilets jaunes. Du temps, du temps où Aude Lancelin était la rédactrice en chef. Et là, il y a un phénomène un peu curieux qui s'est passé, parce que le média a interrogé Chouard lors d'une interview. Chouard ayant promu depuis maintenant plus d'une dizaine d'années l'idée du ce qu'on a appelé le référendum d'initiative citoyenne, hein, c'est ça, hein. Oui, ça, et puis la démocratie directe en général, oserais-je dire la démocratie participe. Oui, oui. Alors lui, en particulier, c'est le tirage au sort qu'il a, son dada. Le tirage au sort, ouais, d'accord. Donc voilà, lui, c'est démocratie directe, tirage au sort, et il dit, d'une manière générale, il faut que mettre en place un système où les gens doivent s'exprimer. Voilà. Et il ne faut plus avoir un système de représentatif, dit représentatif, ce qu'on appelle une démocratie représentative, où des spécialistes de la politique sont désignés tous les 5 ans ou tous les 6 ans pour décider entre eux de la politique à suivre dans tel ou tel domaine. Non, il lui dit non, il faut une démocratie directe où les citoyens prennent eux-mêmes les décisions, votent surtout, et ensuite le choix d'éventuels représentants, comme tu l'as bien dit, c'est le tirage au sort. Et il y a aussi ce référendum d'initiative citoyenne qui l'a plus promouvoir. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui dit qu'il faut que les gens puissent donner leur opinion sur tout. Et il a eu beaucoup de succès auprès des Gilets jaunes, qui ont fait, d'un de ces sujets, leur revendication principale. Très bien. Alors, Chouard, du coup, a été immédiatement identifié par le système médiatique juif en France comme une des figures de ce mouvement de contestation, voilà, de ce mouvement social d'un nouveau genre qui ne peut pas vraiment être catalogué. Il y a des gens d'extrême gauche, bon, de plus en plus avec sur la fin du mouvement, mais je veux dire le mouvement lui-même dans ses tréfonds est très divers, on le trouve partout, etc. Et Chouard est très populaire, son nom revient dans les blocages, dans les manifestations, les thématiques qu'il a pu utiliser aussi, les médias s'intéressent à lui. Il a eu des passes d'armes, etc. Bon. Et là, le média le fait intervenir, on devrait se dire, le média qui a promu tellement les Gilets jaunes, il est en terrain amical, on va le faire parler, on va bien le faire parler. Et c'est pas ce qui s'est passé, parce qu'il était présent un certain Eindhoven, alors c'est pas Raphaël, mais j'ai oublié le nom du mec, je crois que c'est Mathieu Eindhoven, à vérifier, je crois que c'est Mathieu Eindhoven, donc un juif, qui l'interroge aux côtés de Denis Robert, une espèce de Dimon Lop. Bon, ouais. Et alors, il lui pose la question des chambres à gaz. Ce qui est quand même, je veux dire, c'est un média d'extrême gauche. Chouard, sa thématique, il faut laisser parler les gens. Et très curieusement, le tandem, donc après l'éviction de Lancelin, très vite dans l'entretien, pose la question, la seule question en fait qui compte, c'est croyez-vous ? Avez-vous la foi ? Oui ou non ? Et là, la réponse, tu peux nous citer ce qu'il a dit, cher Derek ? Bah alors oui, au début, tu te demandes pourquoi il pose cette question, tu vois. Qu'est-ce qu'il répond, quoi ? Oui, bah, il dit, bon, je me demande, mais alors qu'est-ce que c'est cette question ? Est-ce que tu peux. Ouais, je peux te donner le verbatim. Il dit ce n'est pas mon sujet, je n'y connais rien. Il ajoute je n'ai pas pris le temps de lire sur le sujet. Bon, il continue, il s'embourbe un petit peu. Et à la fin, il dit oui, je vais te dire oui, j'ai aucun doute, parce que sinon je suis un criminel de la pensée. Il ajoute je n'ai jamais rien lu là-dessus. Cette histoire de chambre à gaz, c'est si grave d'en douter. Est-ce qu'il suffit pas de produire la démonstration contre ceux qui nient, et puis on passe à autre chose? Oui, bon. Là, oui, alors déjà, c'est quelqu'un qui dit je sais pas, j'ai rien lu sur le sujet. Et les autres, et le juif. Oui. Je questionne l'existence. Monothéisme aidant. Monothéisme. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment une persistance, quoi. Il dit mais attends, la question, c'est pas de savoir, la question, c'est de croire. Est-ce que tu crois? Bien sûr. C'est ça qu'il dit. L'Arien dit moi, je veux savoir. Le juif dit non, tu dois croire. Exactement. Et voilà. Alors, c'était lequel de juif ? Non, mais là, c'était, c'est pas... là, c'est Denis Robert. Là. Je sais pas si non, à côté de lui, il y a un Matthew Enthoven qui lui dit, mais attendez, c'est comme douter que la Terre est ronde. Ah oui, d'accord, oui, c'est possible. Mais oui, c'est lui qui... Il lui dit ça, ce qui est une comparaison complètement absurde, parce que d'un côté, il y a une remise en cause, etc. En plus, il dit même pas, j'y crois pas. Et, non, mais vous avez vu la comparaison, c'est-à-dire que c'est une vérité d'ordre physique. Oui, bon, il y a malheureusement des gens qui sont d'accord avec ça, mais oui, c'est... Oui. Alors, je pense que le petit Chouard s'est fait... Ah oui, là, c'est fait oui. Dépuceler, voilà, c'est du turbo déniaisage. C'est oui, effectivement. Alors lui, il a un terme, c'est la cause des causes. Donc la cause des causes, c'est le mensonge chaotique. Effectivement, une fois que tu arrives au mensonge chaotique, ta vie n'est pas transformée. Mais tu te rends compte de beaucoup de choses. Hein. Ta vision du monde va être différente. Alors, il est... Je ne sais pas si tu as remarqué, il a des mimiques bizarres, je crois. Oui, Je ne le trouve pas sincère. Et quelquefois... Non, il n'est pas franc du collier. Il n'est pas franc du collier. Ouais, ouais. Mais c'était évident que ça allait arriver. C'était évident que... Enfin, excusez-moi, mais Chouard, c'est un type ça fait 10-15 ans qu'il est là, les élites, machin, les banques, Rothschild et compagnie. Il a plusieurs fois été suspecté d'antithermitisme. Ouais. Donc bon, voilà, c'est pour ça déjà, c'est pour ça qu'on lui pose cette question. Et c'est un type, moi j'ai quand même envie de dire un peu, bon, Chouard, c'est pas notre tasse de thé, etc. Le type n'est pas vraiment un nuisible, je veux dire, bon, il faut remettre le gars dans son contexte. Il est pas antipathique, quoi, hein. Il est pas antipathique, voilà, il fait son truc, bon, il nourrit son petit machin, etc. Et puis bon, il veut défendre la démocratie directe, etc. Bon, je veux dire, nous on est plus démocratie participative, lui il veut une démocratie directe. Bon, il y a peut-être des médiations communes qu'on peut trouver. Je crois qu'on vient d'en trouver une d'ailleurs. Mais le problème, comme je dis, en fait, ce qu'il a démontré, en fait, à son corps défendant, c'est qu'il n'est pas permis de se poser une question simplement en tant qu'honnête homme. Il n'est pas possible de dire, avec donc ce truc de l'Holocauste, il n'est pas possible de dire « je ne sais pas ». Comme vous diriez, je ne sais pas, d'une équation, d'un théorème qui serait établi depuis toujours. Je veux dire, il y a combien de choses qui étaient établies depuis toujours qui ont été démontées un jour par un type qui a dit « Non, mais moi, je suis pas certain, il faut vérifier. » C'est toute l'histoire de la science. Donc, il dit simplement « Écoutez, je sais pas, je n'ai pas creusé, je ne me suis pas renseigné, etc. » Les autres disent « Mais on s'en fout que tu saches, on s'en fout de ce que tu as lu, on s'en fout que tu aies été ou pas sur place. » C'est une obligation, tu dois croire. Et là, l'autre, il te dit, c'est comme de croire en Yahvé, quoi. Ne pas croire en Yahvé, c'est comme ne pas croire que la Terre est ronde. Or, c'est une théorie historique qui est contestée. Donc, si elle est contestée, c'est qu'elle est contestable. Et donc, ce qu'il dit, Chouard amène en disant, oui, il faudrait quand même trancher ça de manière totalement transparente. Et si les théories des révisionnistes sont si délirantes que ça, bah, au premier grand débat contradictoire organisé de spécialistes, ça volera en éclats. Or, ce débat a déjà eu lieu, je tiens à le rappeler, au Canada, dans les années, fin des années 80, si je ne m'abuse. C'est le procès Zundel, cher Fulbert, me semble-t-il. Oui, il s'absentait, mais oui, je crois que c'était le procès Zundel. Oui, c'est ça. Le procès Zundel, qui a duré 3 mois, Robert Forisson en parle très bien, un procès long, complexe, un vrai procès canadien à l'anglo-saxonne, où on va mobiliser des experts, des contre-experts, des témoins, des historiens, etc. Et on va aller au fond, on va aller consulter chaque document, chaque élément, le juge va vouloir savoir, dans une véritable démarche scientifique. D'accord. Le juge part du principe, comme dans toute autre affaire, là, je ne sais pas. Il peut lui penser, si vous voulez, à titre personnel, que c'est vrai, mais en tant que magistrat, il commence le processus judiciaire en disant « je ne sais pas et je vais savoir ». Et en fait, on verra au cours du procès que le principal témoin, c'est là que, moi je vous invite vraiment à vous renseigner sur tout ça, Raoul Hilaire, qui était considéré comme le pape, qui est encore considéré comme le pape de la théologie, parce que en fait c'est ça, hein, c'est la théologie de l'Holocauste, dira en fait, il avoue que rien n'est démontrable, etc. Bref. Donc, si on suit la logique de ce qui s'est passé avec Chouard, un magistrat qui ferait la même chose encore au Canada serait un antisémite. C'est-à-dire qu'un magistrat qui commencerait un procès en disant « je ne sais pas et je vais savoir » est un antisémite. Ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Et deuxième truc, c'est Chouard, en lui-même en tant que personnage. C'est un type, il n'a probablement pas bossé le sujet, mais il doit se dire, intellectuellement, moi, par principe, je pense que tout le monde doit dire ce qu'il veut. Et si des gens ne croient pas aux chambres à air, c'est leur problème. Voilà, ça relève de la liberté d'expression, ça ne va pas être criminalisé, point barre. Voilà. Moi, est-ce que j'en veux ? Ça, c'est même pas un sujet qui m'intéresse. Bon. Ça, c'est sa prédisposition intellectuelle, je veux dire. Mais il est rentré dans un jeu en se croyant plus malin que les Juifs. Parce qu'il est allé, il a fait au moins une fois un débat avec le rabbin Raphaël Enthoven, donc qui est l'ex de Carla Bruni, et qui officie sur Europe 1, qui est un sophiste de synagogue, de la pire du pire tonneau, et donc qui est un manipulateur, un sophiste de facture typiquement hébraïque, quoi. Ah oui, là c'est la casuistique juive dans toute sa splendeur. Mais Chouard s'y est prêté. Et quand tu rentres dans ce type de mécanique, tu te fais dévorer. Et je l'ai vu faire. Je l'ai observé. Je me suis dit, tu penses que tu vas pouvoir t'approcher, comme dit l'expression, hein, qui dîne avec le diable doit avoir une longue cuillère. Chouard, visiblement, ne connaissait pas ce truc. Et ils ne l'ont pas perdu de vue. Ils ne l'ont pas perdu de vue. Ils ont lentement approché de leur proie. Comme ça, l'air de rien, tu vois. Parfois ouais, avec un air un peu bonhomme. Ah ben, monsieur Chouard. C'est exactement ça. Moi, l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est le petit chevreau. Qui peut comme ça, il pense qu'il peut danser avec le lion, en fait. C'était exactement ça. Et je voyais petit à petit le serpent Enthoven, mais dévoré. Et l'autre n'en se rendait même pas compte. Mm. Et c'était affolant, quoi. Tu voyais un pauvre petit lapin qui ne captait rien à ce qui était en train de se passer, se faire dévorer par le juif, qui, enfin, je veux dire, c'est pas. Enthoven, il fait de la philosophie. Il a plein d'émissions sur France Culture, sur Arte, où il fait de la vulgarisation philosophique. C'est un maître. Alors, l'expression n'est pas de moi, mais c'est un maître de la rhétorique. Voilà, je dirais. Si t'es pas habitué, depuis que t'as 5 ans, à dialoguer autour du Talmud, tu te fais bouffer dans ce genre de débat. Parce que les juifs, ils sont sur leur terrain. Ils sont infiniment meilleurs que toi. Ça sert à rien d'aller sur leur terrain. C'est eux qui l'ont construit. Et il n'est pas fait pour le goy. Le goy est fait pour perdre à chaque fois et le juif pour dominer. Bah, c'est ces catégories. Jamais aller chez eux. Ouais, alors, l'école où tu as appris à mentir, c'est eux qui l'ont construite, se disait Alain Sorel. Tout à fait. Bah, pour une fois, mais il avait raison. Alors, Étienne Chouard a déclaré suite à ce traquenard, qui était un traquenard. En plus, c'est signé, je veux dire. Sur le média, le juif qui l'a piégé s'appelait Enthoven. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Il a déclaré ça, Chouard. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Voici ce qu'il écrit. Je ne suis évidemment pas négationniste, ni antisémite. Les chambres à gaz sont une horreur absolue qui ont tué des foules d'innocents. Les mensonges de Forisson devraient être mieux contredits publiquement. La Shoah est une des pires atrocités de l'histoire humaine. Et tout mon travail depuis 15 ans consiste précisément à élaborer ensemble des structures d'origine populaire qui empêchent durablement que de tels crimes puissent se reproduire. Est-ce qu'il vend ses enfants aussi, là ? Je pense que là, il fait au rabais, là, à mon avis. Bah non, mais je pense que les organes qu'il essaie de sauver sa peau, quoi. Hein. Peut-être ça... Ouais, mais là, ça va... Non, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, mais il n'a pas compris. Les juifs ont compris, c'est sûr. Non, mais il essaie de... Bon, je pense qu'il va se faire oublier. Voilà. Là, il a eu droit, peut-être, de pouvoir toucher sa retraite de fonctionnaire. Ouais, et encore. Et encore, ouais. C'est combien, comme dirait l'autre. Oui. Oui, c'est ça. C'est Dieu donné qui dit ça. Coûte, ouais. Combien ça coûte? Alors, il y a autre chose qui s'est passé d'Eric entre-temps, c'est qu'après avoir communiqué ça, en fait, sa base a hurlé. Oui, enfin, je sais pas si c'est sa base, enfin, les gens qui ont suivi l'affaire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent lui-même personnellement, ils ont hurlé. Tu peux nous en dire plus? J'ai pas suivi. Bah, il a fait un communiqué récent, là. Ah oui, non, mais oui, je sais pas si c'est sa base, mais en tout cas, il dit qu'il. Lis-nous ce qu'il dit. Donc, il dit j'ai dépublié mes deux derniers billets, donc, il évoquait la question des chambres à air. Je l'ai publié en y découvrant de nombreux commentaires négationnistes. Je n'ai pas le temps de lire et modérer tout ça. Je ne sais pas comment masquer ou interdire les seuls commentaires. Donc je masque, je supprime. Et il dit, je demande aux négationnistes d'aller s'exprimer ailleurs que sur ma page. D'accord. Donc en fait, tu passes d'un... Les négationnistes ont le droit de s'exprimer, il faut leur répondre. Ouais. Dégager, bande de salauds. C'est ça. Les types arrivent, bon, bah, allez-y, répondez-moi. Quoi. Non. Et oui, précisons qu'entre-temps, quand même, parce que bon, c'est quelqu'un qui a évolué très vite sur cette question, en deux jours en fait, hein, en oui. 48 heures. Mais entre-temps, la LICRA, l'UEJF ont annoncé porter plainte et il a été brûlé en place publique. Donc oui. Je pense qu'on peut dire en substance que... Ça, elle prévoyait un bombardement sur sa maison. Non mais j'ai l'impression que l'inquisition hébraïque est très efficace. Hein. On rigole parce qu'on dit, ouais, vous avez vu Galilée... Oui, mais aujourd'hui, ça continue. Oui, alors... Monsieur Chouard, alors comme ça... Comparaison sur Galilée ou la Terre plate, ça, c'est vraiment... Voilà, c'est du mensonge juif, ça n'a absolument rien à voir. La vérité des chambres à gaz, c'est une décision juridique qui, comme tu l'as expliqué très bien, a été finalisée au procès Zundel. Hein, et la loi qui a suivi au Canada, elle a été exportée partout dans le monde occidental. Mais les révisionnistes ont gagné le procès Zundel d'un point de vue du débat. Ils ont explosé les spécialistes. Ils les ont pulvérisés. Ils gagnent pour des raisons politiques, en fait, le procès, ils le clôturent avec des machins de procédure, de trucs. Voilà. Ils s'en sortent comme ça. C'est ça. Bah, par exemple, je crois que. Il me semble qu'il y avait un témoin qui était un expert, un type qui fabriquait des chambres à gaz homicides pour je ne sais plus quel état américain, et le type était... Neustadt. Ouais, il est condamné à mort. Et il était... Le type se présentait comme ingénieur, sauf que ingénieur en France, c'est pas du tout le même statut qu'ingénieur dans le monde anglo-saxon. En France, par exemple, un ingénieur du son n'est pas forcément un ingénieur Bac plus 5. Mais aux États-Unis, c'est la même chose. Un ingénieur, ça peut être, par exemple, un soldat du génie. Hein. Et le type se présentait comme cela, c'est-à-dire quelqu'un qui est technicien. Et les Juifs ont lancé toute une procédure totalement folle pour faire condamner le Shtetl qui aurait menti sur son statut. Mais c'est, ouais. Faut voir le truc, hein, c'est délirant. Ils l'ont mis dans une misère terrible. Cet homme-là. Ouais, sachez, pour les gens qui nous écoutent, Leuchter n'était pas un révisionniste. C'était pas quelqu'un qui s'intéressait au sujet. Il a été sollicité, on lui a dit, parce qu'il construisait les chambres à gaz aux États-Unis pour les pénitenciers spécialisés là-dedans. Et donc, des révisionnistes lui ont demandé, vous êtes un expert, est-ce que vous accepteriez de réaliser une expertise au camp d'Auschwitz? Et le type a dit, par curiosité scientifique, bah écoutez, pourquoi pas? Et on lui dit, voilà, on vous paye votre voyage, etc. Vous venez, vous faites tout ce que vous devez faire. Et en fait, le type a produit son rapport, qui ensuite, soi-disant, les Juifs ont dit, oui, il a été débunké, etc. S'il était débunké aussi vite que ça, pourquoi ont-ils persécuté cet homme-là pour ruiner sa vie après partout aux États-Unis? Parce qu'il a été, persécuté aux États-Unis, il faut savoir ça. Il a été persécuté aux États-Unis. Le type n'a jamais été un révisionniste actif. D'accord? Il n'a pas été, si vous voulez, c'est pas Forisson. D'accord, c'est quelqu'un qui est un technicien, lui demande son avis en tant que technicien, il répond, la réponse ne convient pas, les Juifs le persécutent pour le plonger dans la misère la plus totale. Voilà ce qu'ont fait les Juifs. Hein. Et donc c'est le fameux rabbin. Il y a plein d'états d'autres choses. Les annales révisionnistes sont disponibles. On peut les trouver sur Internet très facilement, c'est des volumes énormes. Hein. Et les révisionnistes ont obtenu... Il y a aussi le fameux bouquin de Forisson, les victoires du révisionnisme, qu'il faut consulter. qui ont poussé, si vous voulez, les exterminationnistes du lobby juif, en fait, ils ont cédé, ils ont reculé sur énormément de points. Oui, à l'époque, hein, avant de revenir comme maintenant, là, au terrorisme. Les journaux où on rentre des camps de la mort. Hein, en Allemagne, quoi, voilà. Oui, en fait, si Schwarz s'était intéressé un petit peu à la question de la liberté d'expression, automatiquement, s'il avait fait de façon honnête, il serait tombé sur la question du révisionnisme et du négationnisme. Enfin, peu importe, on appelle ça négationnisme. Mais il serait obligatoirement tombé dessus et ce serait pas fait avoir comme un poussin qui s'est fait gober par un boa en deux secondes. Et c'est un type qui, pour moi, c'était ce type était un acteur. Et puis finalement, moi j'ai appris pas mal de choses avec lui. C'était à l'époque du plan C, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, je pense qu'il est terminé. D'ailleurs, c'est foutu pour lui. Parce que les Juifs l'avaient identifié et voilà quoi. Je veux dire maintenant, on va passer à autre chose quoi. Ah oui, un type qui parle des banques, des trucs comme ça, etc. Donc c'est la question qui lui était posée sur les chambres à gaz, elle n'arrive pas nulle part. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils savent. Hein. Mais c'est quand même étonnant qu'un type comme lui, justement, qui depuis quelques années nous disait à tous qu'on est occupé à se faire enculer, n'a pas localiser ceux qui nous enculaient, c'est-à-dire le bout du couloir, et se faire voir par ces gens-là, sans avoir rien préparé, sans se dire que un jour ils allaient lui tomber dessus, lui passer le collet, tenter de lui passer le collet. Ça, j'ai un peu difficile à avaler. Non, mais il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Alors, il y a ceux qui sont intéressés à tout ça, qui ont leur point de vue. Mais la première façon, c'est de dire, écoutez, indépendamment de ce que vous pensez de tout ça, ou des conclusions auxquelles vous parvenez, cela relève de la liberté d'expression. Quelqu'un qui ne croit pas à l'existence des chambres à gaz pour X ou Y raison à cause de telle ou telle lecture, c'est sa liberté. Ou alors, on est dans une théocratie, où celui qui ne croit pas au dogme en place doit être persécuté et privé de liberté, comme c'est le cas aujourd'hui, et détruit socialement. Alors, est-ce qu'on est dans une théocratie? Si oui, quel est le pouvoir théocratique? Quelle est sa coloration? Ça me semble clair. C'est-à-dire qu'en fait, on peut retourner comme ça très vite les Juifs en disant « Mais attendez, qui exerce le pouvoir en France, au point de vouloir interdire de parole telle ou telle? Qui a intérêt à le faire? Qui c'est qui s'intéresse à cette question? Les Juifs ?» On peut, en cinq minutes, on peut mettre les Juifs sur la défensive comme ça, en montrant que ce sont des tyrans qui veulent priver les Français de leur liberté fondamentale. Point barre, c'est tout. Il n'y a même pas besoin ensuite de rentrer. Oui, mais vous comprenez, 5,7, 6,2, on s'en fout. C'est même pas la question. La question, c'est que si quelqu'un a envie de dire les chambres à gaz, c'est du bidon, il a le droit de le dire. Et c'est marrant parce que quand, en fait, Forisson pouvait publier dans Le Monde, oui, des articles révisionnistes. Mais parce qu'on sortait d'une période qui était vraiment libertaire. Et il y avait un révisionnisme de gauche, voire d'extrême gauche. Ça vient de la gauche, avec effectivement la question palestinienne et Garodi, mais même avec des gens de l'ultra-gauche, la vieille taupe. Et il me semble que Gabriel Cohn-Bendit, le frère de Daniel Cohn-Bendit, oui, a avoué que lui-même n'y a pas cru. Oui, c'est-à-dire qu'il avait des interrogations. Voilà. Et il a avoué le truc, c'est que le dossier est extrêmement mince. Et d'ailleurs, il est même tellement mince que finalement, enfin, on reproche à Schwarz de ne pas s'y connaître, mais demander même à un étudiant d'histoire le processus d'extermination. Le pseudo-processus d'extermination des Juifs, ils ne le connaissent pas parce que c'est tellement. C'est incroyable. Et comme dirait Forisson, Forisson a passé 50 ans à demander comment fonctionnait une chambre à gaz. Ils ont demandé montrez-moi. Je veux bien tout ce que vous voulez. Montrez simplement, reconstituons le processus. Vous montrez, on filme tout, on diffuse ça de partout là. Ça sera extraordinaire pour vous, vous démontrez que vous avez raison. Ouais. Ils l'ont jamais fait. Pourquoi? Ils ont un foutu de démontrer comment fonctionne une chambre à gaz, ils n'ont jamais trouvé une. Ce qu'ils ont trouvé là-bas, ça n'a jamais été une chambre à gaz. Et c'est d'ailleurs Faurisson qui a trouvé les plans de ce bâtiment, qui est en fait, on l'avait déjà dit, une morgue, parce que c'était un camp de travail, donc forcément, il y a une mortalité, c'est une évidence statistique. Oui, des maladies, donc, le typhus. Voilà, bien sûr, tout à fait, ou même de crise cardiaque, ce que vous voulez, ou même, je ne les garde pas du tout, de mauvais traitements de la part de tel ou tel gardien, c'est pas la question. Mais ce n'était pas une chambre à gaz. Ils ont ensuite maquillé ça, les soviétiques ont maquillé ça en chambre à gaz, pour surtout les Polonais, parce que les Polonais, il ne faut pas les oublier, ceux-là, dans l'histoire. On maquillait ça en arme d'un crime délirant. Il y a des témoignages totalement fous qu'on peut lire aujourd'hui, qui sont mais délirants, avec des plaques électrifiées pour tuer les déportés, etc. Tout ça aujourd'hui qui a été complètement foutu sous le tapis. Mais dans les années immédiatement après la guerre, tout de suite, en 45 jusqu'en années 50, etc., tous les juifs se sont mis à affabuler à qui mieux. Et il y a les types sortaient avec des témoignages et des bouquins. Et alors là, c'était le Cohn-Bendit et bien dire l'imagination au pouvoir. Oui, c'est ça. Oui, avec l'Holocauste, l'imagination est au pouvoir. Qui trouvera le truc le plus fou? Alors les nourrissons étaient jetés vivants après avoir été. C'était délirant. Enfin, bon, c'était. Et aujourd'hui, ils sont infoutus de vous montrer comment fonctionne une chambre à gaz. Ils peuvent pas. Alors, ce qu'ils font à la place, vous avez fait gaffe, on parlait là des témoignages et du problème générationnel, parce que toutes ces générations de boomers, antifa, ils ont avalé tout ça. Maintenant, ils essayent de poursuivre le cinéma. Vous avez vu, ils ont essayé d'envoyer Thibaut in shape à Auschwitz. Ah, bon. Oui. Alors, non, mais je sais pas si. Non, on dit qu'il y a. Non, mais l'idiocratie, quand on dit l'idiocratie, que ça va tout détruire, c'est vrai. Je veux dire, même le mythe de l'Holocauste, si vous voulez, pour essayer de le populariser, il démarche des mecs comme ça. Mais attention, Nabila à Auschwitz, ça va venir. Ça va arriver. Mais il va faire quoi? Il va faire une sèche là? Non, il l'a fait, il explique, hein, c'était comment, etc. Truc un peu en mode... En fait, c'est carrément pas relié à ce qu'il fait d'habitude, tu vois, un peu en mode fitness, muscu, tout ça, rien à voir. Mais comme il est influent... Il a des followers chez les jeunes. La pieuvre juive internationale, qui a sa ramification en France par le gouvernement, le démarche. Bonjour Thibault, ça t'intéresserait de faire l'éducation, la jeunesse, quand même, un truc. Il s'est prêté au jeu. Alors du coup, ça ouvre des portes. Hein. Ça ouvre des portes, après. J'espère que nous aurons Aya Nakamura à Auschwitz. Hein. Attention. Twerk devant la porte. Donc Thibaut Inchep, il était avec une survivante de l'Holocauste, encore une. Franchement, les SS fermaient quand même très mal les portes des chambres à gaz, quand même. C'est quand même étonnant de voir tous ces rescapés. Et alors, bon, ils se lamentent, etc. Mais, donc ils passent, si vous voulez, dans la soi-disant chambre à gaz. Ils passent dedans, et ensuite t'as les fours à crématoires juste à côté, ça, simplement, t'es pas passé dans une chambre à gaz, c'est tout le problème. Ils peuvent pas te dire, tiens, voilà, le truc, non. Voilà. Donc en fait, c'est bien, hein, il y a un truc énorme qui s'est produit, sans un foutu de monter le truc. Et fatalement, s'ils avouent qu'en fait, la chambre à gaz, ils n'ont jamais vu la couleur d'une, ils sont un foutu de démontrer comment ça fonctionne, Celui qui a été chargé de démontrer le fonctionnement de la chambre à gaz, c'est un réviseur retourné. C'est Jean-Claude Pressac, qui était pharmacien de son état, je crois. Non, tu veux dire, c'est pas un... Vas-y, continue. Et je crois que c'est d'ailleurs le seul bouquin disponible sur la question autorisée, c'est celui de Jean-Claude Pressac, me semble-t-il. Oui, mais c'est marrant, parce qu'il disait que Pressac, c'est ce que disait Faurisson, il disait Pressac, sur la fin de sa vie, il avait fait un bouquin de commande, je crois, pour les époux Klarsfeld, je crois. Et... comment dire, le problème c'est que Pressac, les conclusions de Pressac étaient révisionnistes. À son corps défendant, c'est-à-dire que le bouquin était censé contrer les révisionnistes. Mais en fait, il faisait de telles concessions qu'à la fin de la lecture, ça battait tellement en brèche la vérité officielle que même ce bouquin de commande, pour conforter la version officielle, était accablant pour la version officielle. Et ce bouquin-là, de Pressac, un des derniers qu'il a écrit. C'est dommage, j'ai pas son titre. D'accord, non, je pensais qu'il avait été justement retourné, qu'à la base il était particulièrement révisionniste, que les Juifs, en fait, lui avaient mis le grappin dessus, qu'il l'avait fait bosser et qu'effectivement, par la suite, il s'était retrouvé à bosser pour les époux Clarkson. Bah, le dernier bouquin qu'il a écrit, si tu veux, où il était censé débunker, il débunkait rien. C'était concession sur concession sur concession sur concession, si bien que même lui, avec les concessions qu'il faisait, comme je l'ai dit, dans cet ouvrage de commande de la part du lobby juif exterminationniste, serait aujourd'hui considéré comme révisionniste. Parce que trop de concessions. De toute façon, c'est simple, écoutez. Bon. Le sketch, vous le dégonflez très vite. Officiellement, sur les plaques officielles d'Auschwitz dans les années 60, vous avez marqué 4 millions de morts dans le camp d'extermination d'Auschwitz. C'est toutes les plaques, il y a en plusieurs langues, elles sont affichées. Aujourd'hui, ils ont changé, c'est 1, je sais plus combien, million de trucs. Voilà. Ils sont passés où les 3 millions manquants? Les 2 millions et demi manquants, ils sont où? Donc, on en perd 2 millions et demi sur un seul camp et les 6 millions restent inchangés. C'est quoi cette farce? C'est quoi ce truc? Je veux dire, c'est de la rythme. Enfin, c'est simple. Dans le film documentaire Nuit et brouillard, il termine ce documentaire en citant je sais plus trop quoi, et il termine sur 9 millions de morts en ce paysage, avec une petite musique douce, un peu de violon juif. Ça, c'est révisionniste maintenant. Alors, mais bon, c'est... Quand on s'intéresse à tout ça, on éclate d'un long rire, en fait. Pour moi, le meilleur argument en faveur de l'inexistence des chambres à gaz, c'est comme tu l'as dit, Gandalf, hein, c'est la loi Fabius Gesso. Ça, c'est absolument énorme. La vérité n'a pas à souffrir de la censure. Si jamais tu veux démontrer que c'est faux, que c'est vrai, bah, il suffit d'un débat. Les Juifs ne veulent pas le débat parce qu'ils savent très bien quel est l'arbre qui vont perdre. La forêt. Voilà, tout simplement. Moi, je suis pas pour la liberté d'expression à tout prix. Je suis pour la liberté d'expression, mais pas à tout prix. Mais ce qui me fait rire, c'est que les gens qui réclament une censure sur ce sujet, eux sont soi-disant pour. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose avant qu'on se sépare? Papa. Oui, enfin, petit truc, mais c'est. Vous voyez quand même qu'on a. Avec toutes les histoires de cette semaine, la Shoah est toujours très présente. Hein. Plus on s'éloigne. Ça a commencé en 41, on est en 2019. Et plus on s'éloigne, plus c'est plus ça gaze. Hein. Plus c'est présent et bon. C'est de son cerf qui a assuré le pouvoir juif. Oui. Et à faire taire ceux qui vont s'y opposer. C'est tout. Voilà, ouais. Non, mais c'est bon. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas grand-chose. La chambre à gaz, c'est vraiment la pierre angulaire de la République. Tout est bon pour en fait censurer, parce qu'il y a toujours la chambre à gaz. N'oubliez pas de pas... Vous vous souvenez, en 2002, quand Le Pen est passé au second tour, attention, parce qu'il y a eu la chambre à gaz, on sait où ça a mené. Ouais, mais ça marchait sur les boomers. Ça marchait sur les boomers, ouais. Ça marchait, ouais. Sur une génération qui a été... qui est né là-dedans, quoi. Et vraiment, c'est... Moi, j'aime bien appeler les boomers la génération Nuremberg, et je crois que ça... Nuremberg terminera avec eux. Les amis, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les amis.